merci pour 700 encore. Hein. Ouais. Tous les soirs, on s'éclate vraiment avec vous. Merci en plus d'être de plus en plus nombreux chaque soir à nous rejoindre sur Fun Radio, la page Facebook Love in Fun, le Twitter hashtag Love in Fun. Tous les soirs, à partir de 23h, il y a une autre émission qui débarque. C'est une émission de libre antenne avec Mickaël. Oui, salut, ça va. J'ai des camos à dire pour Karima. Oh, le Paris, Paris, ils ont pris la voilée. Paris reste premier. Ouais, Paris enfin de... Paris a perdu face à Evian. Il n'y a pas de petite équipe. Juste pour terminer et conclure sur cette page footballistique, Paris reste premier. À demain. Moi, je trouve ça scandaleux qu'avec une équipe aussi chère, on perde contre Evian ton long gaillard. Ils sponsorisent plein de villes, Evian. Il y a plein de bouteilles d'eau et tout. Ils étaient en cure thermale là-bas. Parlons des choses sérieuses. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Guingamp, là, ce soir, face à Bordeaux? Tout le monde s'en fout. Ils sont pas dans les 10 premiers, donc à un moment donné on les calcule. Vive la Bretagne. Guingamp, ça existe? Guingamp, ce club mythique, Drogba. Vous savez qu'Arel connaît le football depuis 3 mois, donc vous ne demandez pas trop de choses. C'est déjà ça. Non mais ça va aller, un jour Guingamp sera en Ligue des Champions. Pas sur le foot, toi. Ou pas. Ce serait bien avec sur les chaînes anglaises, la Guingamp qui est face à Barcelone, par exemple. Avec Guingamp, la musique de la Ligue des Champions. Arrêtez de vous foutre la gueule de Guingamp. Le rire machiavélique de Karima. Quand on parle football, je suis désolée. Moi, c'est Paris, c'est tout. En avant Guingamp, voilà comment on va terminer cette émission. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Il y a un moment on peut plus reculer. Bisous, bonne émission l'équipe. Bonne soirée à demain. Et nous, on vous retrouve demain. Exact. Et nous, on est partis jusqu'à 2h. Ciao. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Exact, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et ben voilà, vous avez mis votre radio sur Fun Radio et vous avez bien fait parce que c'est ici que ça se passe désormais le soir de 23h à 2h du mat tous les jours de la semaine et de 20h à minuit le dimanche évidemment. D'ailleurs ce dimanche et dès vendredi, on sera d'ailleurs à Montpellier où j'ai regardé la météo. Bon alors évidemment il fait pas très très chaud, hein, on est au mois de décembre, hein, mais quand même 12 degrés mais surtout plein soleil. Donc ça c'est bien, ça c'est ça pas va mal. Être bon, ça donc, va être je bien. Je ne sais toujours pas où on va dormir. Je ne sais pas. Donc il y a si pas jamais, de la meuf là qui veut nous héberger. Je ne sais pas si quelqu'un éventuellement peut nous héberger. Nous c'est avec plaisir. Bon par contre on arrive à 4. Hein. Enfin oui on arrive à 4. Ouais. Hein, avec Sandro tout ça. Donc si vous avez un peu de place, n'hésitez pas. On sait encore vraiment où on va dormir. Mais en tout cas le programme est déjà plus ou moins fait. On va vous donner plus d'infos tout à l'heure. Hein, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre, on va bien se marrer à Montpellier tout ce week-end dès vendredi. Où d'ailleurs on passe vous chercher sur l'esplanade du lycée Joffre. Ce sera le premier rendez-vous. Puis on fera un petit match de foot également le samedi à 16h au Soccer 5. C'est Castelnaulele. Oui. Allez. On voilà. Bien. Eh ouais, alors déjà Polo qui a fait 2 dribbles, il était mort, hein, il a failli décéder hier. J'étais donc mort. Autant vous dire que ça risque d'être compliqué. Bon en tout cas, dites-le à tout le monde demain dans le bus évidemment, dans les embouteillages, criez-le un petit peu partout. Il y a enfin quelque chose le soir à la radio à partir de 23h et si vous avez envie de venir parler de ce que vous voulez avec nous, bah n'hésitez pas, hein, faites tout de suite le 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 comme Déborah qui est avec nous maintenant là. Salut Déborah. Salut. Comment ça va, Débo? Salut, Mickaël. Comment ça va, Débo? Salut. Ça va, les garçons. Bon, tant mieux, tant mieux. Bienvenue à toi, Déborah. Alors, t'as passé une bonne journée, Débo? Ouais, ça va. Ah, oh, ça a l'air, hein. T'es sûr? J'ai dormi. Ah, t'as dormi? Ah, ouais, on te réveille, soir, là, en fait, journée. On te réveille? Grosse journée sous la couette, ouais. Ah, ouais, sympa. T'aurais dû appeler Toff. Il est content, là, il serait venu, hein. Avec plaisir. Bien sûr, évidemment. D'ailleurs, combien mesure, Déborah? Plutôt 2 fois cul. Oh, ça faisait longtemps, ça. J'ai cru un moment que t'avais changé de bord. Non, pas du tout. Ah, je pensais, non, mais maman, j'ai cru. Non, il a trouvé une meuf. Ah, oui, c'est vrai. Alors, combien mesure, Déborah? Déborah? Pardon? Combien mesures-tu? 1m69. Combien pèses-tu? Ah, 1m69, ma taille préférée. Combien pèses-tu? Combien? 52. 52. Ah, 62, pardon. Quel est ton tour de poitrine? 95 D. Ah oui, oh D comme Denise alors. Voilà, comme Denise la cochonne. Bon, je n'ai pas dit cochonne, mais d'accord. Mais si tu le prends comme ça, on va le prendre. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38-40. Voilà le passage sous la couette quand elle veut. Hein. Oui, bah j'imagine bien. Ah bon, bien. Ouais. Bon, bah écoute, bah, sois la bienvenue, Déborah. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi. D'un de mes fantasmes que j'ai réalisé. Oh, oh. bah toi, va être ravi, tu viens de lui faire sa soirée. Oh là, là. Juste la soirée, ma soirée était gagnée. Pour remettre en condition, bah, mais voilà. L'émission vient de commencer. Donc, bah, c'est ça, t'as tout à fait raison et t'as bien fait. Conditionnons. Eh ben, reste avec nous, Débo. Tiens, Sandro, est-ce que tu dénoncerais quelqu'un pour de l'argent? Enfin, moi, je vous le dis direct, oui. Donc, que ce soit clair. Non. Ah, si. Ah, si, attends, t'es sérieuse, là, bien sûr que si. Bah, ça dépend de la somme, alors. Ah, voilà, non, mais c'est ça, ça dépend de la somme. Non, franchement, on dit non, ouais. Mais en fait, sur le fait accompli, tu sais pas comment tu réagis. Ah, si, mais moi, je te lis. Moi tu mets un billet de 5, tu mets un billet de 5€, je balance hein. Pour 5€? Mais pour n'importe quoi. Ah non, tu déconnes, 5€ non, tu balances. Mais bien sûr. Oh le salaud. Mais attends, et un sou est un sou. Oui, c'est la crise sûr. Madame hein, alors. Exactement, bon. Ouais, cet après-midi j'ai encore nagé dans mon coffre-fort. Dans toutes les pièces de. C'est toi qui as le coffre en Suisse? Non, malheureusement non, pas en Suisse, non. Enfin ni là ni nulle part d'ailleurs. Bon, enfin soit. Dof, toi du moment que tu peux te faire insulter, à la fin tu t'en fous en fait. Ah hein, oui, c'est moi ça, si je peux. Merde. Je balance les gens et après ils m'insultent, d'accord. C'est parfait. Je t'emmerde moi, enculé va. Voilà. Et puis les bopages de cul. Par même exemple. Gratuit, hein, si je me fais insulter, moi je balance. Bah tant mieux, très bien. Et puis Polo avec ton pipeau, tu dénoncerais pour de l'argent? Ouais, ça dépend. Voilà, qui nous a fait un petit coup de pipeau là, donc ça dépend. Ça dépend quoi, mais je balance, ouais. D'accord. Et puis j'embrasse Stéphane. Oui, bien sûr, évidemment, Stéphane, ouais. Donc c'est la personne qu'il a rencontré à Starfleur. Voilà. Et personne parce qu'on sait pas très bien, on sait pas très bien quoi. Voilà, enfin, il s'appelle Stéphane. Elle s'appelle Stéphane. Enfin, cette personne s'appelle Stéphane. C'est voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de mal. Et je trouve que ce coming out que tu as fait il y a 3 semaines maintenant était très très bien. Et je te félicite et bravo. Et il a l'air plus heureux. Voilà. Mais il a l'air vachement plus heureux. Il s'épanouit. Et ce que j'allais dire, peu importe sa sexualité, ce qui est important pour le c'est que tu sois heureux. Exactement. Elle t'emmerde ma sexualité, Tof. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, c'est très bien comme ça. Bon, venez nous dire, vous, si vous avez déjà dénoncé quelqu'un, et surtout si vous le balanceriez pour de l'argent justement. T'as déjà balancé quelqu'un, Débo? Pardon? Est-ce que tu as déjà dénoncé quelqu'un en échange d'argent, de cadeaux, d'un service? Absolument pas. Jamais? T'es pas une balance? Je suis pas du tout comme ça. T'es pas une balance, non. D'accord, ok. Bon, venez nous dire les gens si vous le feriez justement. Hashtag Mickaël, balancez vos messages. Twitter, Facebook, ça fonctionne. On est là et de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci beaucoup. D'ailleurs, je vous ai mis une photo en mode guérilla ce soir, hein, si vous voulez. Ah ouais, moi j'avais la petite veste, la longue veste. Sandro qui était en mode, t'as l'impression qu'elle a un flingue qui fait 15 mètres de large. Ouais. Et puis Polo qui est dessus aussi, bah Tof il était pas là évidemment. Je me fais insulter. Voilà, c'est ça exactement. Donc si vous voulez les voir, facebook.com/mickaël officiel. Et vous pouvez aussi donner vos avis directement sur les SMS. Vous débutez le message par Mickaël et vous envoyez votre message au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. Sans oublier le numéro du standard, je l'avais annoncé tout à l'heure, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et on n'oublie pas les tweetos également ce soir, avec un petit sextoy à gagner pour ceux qui tweetent avec le hashtag Mickaël. Et ce soir on offrira un sextoy au deuxième. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait le deuxième. Oui, c'est ça vrai. Fait quatrième, cinquième cette semaine, mais deuxième non. Donc si vous voulez participer, bah, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission tout simplement, et puis plus vous envoyez de messages, plus vous aurez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission, et on fera un petit résumé du top 5 vers minuit et demi pour voir où ça en est, hein. Parfait, comme ça. Allons-y. Bon Déborah, il y a un son que tu kiffes en ce moment ou pas? Tsunami, très bien, de Dubs, ouais. Où est-ce qu'il est celui-là? Attends, où est-ce qu'il est? Il est pas là. Parfait, il est là. Voilà, attends une seconde. Il est pas là. Mais si, il est là. Je peux le faire à la bouche. Bon, je vais te... tu viens de tout faire tomber là, fais attention Déborah. Ça va là? Pas de casse? C'est pas grave. Bon, très bien. Bon, bah Doves, du coup, bah, je vous le passerai tout à l'heure. On aura aussi Lee Goulding avec Burn. Il y aura aussi Drake. On va se mettre en mode chill. Ah, ça c'est pour la couette. Eh oui, c'est pour la couette. Il y aura aussi Fede Legrand. Ouais, ça c'est pour le moment avant d'avoir couché avec ton mec ou ta meuf, tu vois. C'est au moment D'accord. où tu te prépares. Voilà, c'est ça. Et puis il y aura aussi la flûte de Polo. New World Sound featuring Polo. Ah, elle est pas mal celle-là. Ouais, c'est New World Sound featuring Polo. C'est une grosse flûte là. Exactement. Voilà, et puis le son de Gaga aussi, hein. Do What You Want sur Fun Radio. Voilà, ce sera tout à l'heure. Donc si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, n'hésitez pas à vous balancer votre message hashtag et Mickaël sur Twitter, sur Facebook, par SMS et sur le standard. Et puis on accueille également Grégoire pour faire la colle de ce soir, puisque je vous offre vos iPad Air. Enfin votre iPad Air, puisqu'il y en a un à gagner chaque soir. Greg, est-ce que tu es là? Oui. Sois le bienvenu, Greg. Bon, alors, Greg, tu appelles de Toulouse, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Toulouse, donc, et tu as une colle, Grégoire. Si jamais tu vas poser la colle maintenant, si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on sélectionne ne décroche pas vers minuit 30, tu gagneras l'iPad Air, Greg, d'accord? Okay. Bon, d'ailleurs, je lui ai mis une petite photo à base de iPad, iPhone et iPod sur le Facebook. Ça va bien démarrer. C'est drôle, très drôle. Je passe un peu pour le mec, en fait, pour le vieux. Hein. Je suis un peu chiant à ce niveau-là, c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez voir Facebook.com et Twitter également. Bon, alors, vas-y, Greg, pour la colle. Donc, il faut toujours me mettre de son côté et toujours espérer qui suis-je. Alors, répète un petit coup, là. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours espérer qui suis-je. Très bien, je répète encore un coup, il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer qui suis-je, c'est ça? Ouais. Bon, et il vous en faudra pour gagner l'iPad Air, autant toi que les autres, Grégoire. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. les 4 lettres, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et Rancard aussi, dès maintenant, je vous ai mis il y a quelques secondes la colle de ce soir avec la photo de l'iPad Air qu'on vous offre sur le Facebook, facebook.com/M.I.K.L. On donne la réponse tout à l'heure, Grégoire, avant minuit 30. Tu restes avec nous, on te récupérera plusieurs fois pendant l'émission, d'accord? Ok, ça marche. Allez, à tout à l'heure, Greg. Ne bouge pas de là, ne bouge pas de là. Et puis les autres, vous êtes les bienvenus, évidemment, hein, pour nous balancer tous vos messages. Il y a un message aussi qui est arrivé, le prince Nadia qui dit sur le Twitter, bon, moi, étant donné que je suis balance de signe, je me dois de balancer, hein, surtout s'il y a de l'argent à la clé, mais t'as raison. Il y a Devers45 qui dit, Mickaël, avec toi, c'est tous les jours la guérilla et tous les soirs, c'est du lourd. Continuez comme ça, ne changez rien. Big kiff à toute l'équipe. Merci beaucoup. Parions les enculés, Zlatan, on lui rentre son nez dans son cul. Allez, Marseille, c'est Baptiste qui avait envoyé le message. Oui, parce que Paris a perdu 2-0 face à Evian, ton nom, Gaïa. Lamentable, Et il y a Jason qui dit, tu me passes 100 euros, je dénonce Toff à la SPA. Et Coralie qui dit, c'est Castelnau-les-Lèzes. Oui, autant pour moi, c'est vrai qu'on me l'a dit. Le pire, c'est que je savais, mais comme j'ai confondu pendant plusieurs jours les deux, en fait, j'ai donné le mauvais, c'était sûr. Donc voilà, Castelnau-les-Lèzes, on sera là-bas. Et Coralie qui dit, allez, Parisien. Je ne suis pas Parisien, Coralie. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, Castelnau-les-Lèzes, on sera là-bas samedi pour faire un match de foot à partir de 16h. Samedi, donc au Soccer 5 pour venir nous affronter. Il y avait un groupe de filles qui voulaient nous affronter en disant qu'elles nous allaient mettre une patate. Quoi? Mais c'est certain, mais venez les filles, pas de problème. Hein. Par contre, je crois que c'est toujours pas bon, hein. C'est Castelnau le lèse. Ah, c'est le. Ah, oh, bah parfait. Bon, bah voilà, je mérite. Pense, sans m'avancer. Je mérite. Il y a un défi là. Eh, les meufs, on vous prend. À quatre pattes dans le vestiaire. Non, sur le terrain. Il y a Victor aussi qui dit merci d'être là, toute l'équipe. C'est que du bonheur. Moi aussi, je balancerai pour de l'argent 10 euros minimum. Et Andreas qui dit, moi, je balance jamais, même sous la torture, et pour de l'argent. Et Echo qui dit, il n'y a pas que ta sexualité qui emmerde Toff, sache-le, Polo. Et Nero également qui dit, bonsoir, d'où Toff a trouvé quelqu'un d'autre que moi? À propos de. Je sais pas compris. Je sais pas, apparemment, il aurait trouvé une meuf. Ah oui, une autre meuf. Ah oui, il part en vacances là. Ouais. Et comme quoi, bravo à la voyante qu'on a eue à la Marabout. Elle a dit qu'il allait partir avec une meuf dans un pays chaud. Et monsieur part dans un pays chaud avec une meuf. Ouais, voilà. Donc si vous êtes cette meuf là, c'est qu'il vous se fout de votre gueule. Hein, mais par contre, j'ai juste un truc, j'espère qu'elle a raison pour tout le reste. Ah, écoute, on verra. Ariel qui dit, Polo, il dénonce pour des cheveux surtout. Bah oui. Et Claude qui dit, moi, je dénonce comme toi, je suis une grosse pute pour du fric. Mickaël, on pense la même chose. Bah voilà, écoute, c'est le principal. Bon, en tout cas, bienvenue si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus jusqu'à 2h du mat. Ce soir, on va également se faire ce magnifique grand jeu qu'est le... Je t'emmerde. Exactement, voilà, on sera là tout à l'heure pour faire le jeu. Si vous voulez jouer avec nous pour gagner vos casques focal d'une valeur de 200 euros, vous appelez Sandro maintenant pour jouer au jeu du je t'emmerde. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Le principe, vous vous affrontez, deux auditeurs s'affrontent et vous devez appeler quelqu'un au hasard, placer un maximum de je t'emmerde dans une phrase cohérente et dans un dialogue cohérent, celui qui tient le plus longtemps et qui en place le plus aura gagné. Voilà. Bon, Déborah. Oui. On est au cœur d'une heure sans pub, donc ça c'est la bonne nouvelle, on est à la cool. De quoi on va parler après le son de Bernie Ellie Goulding, donc de fantasme, mais c'est-à-dire en deux mots. Eh ben, donne-nous l'eau à la bouche, j'ai envie de dire. Ah, allô? Allô, oui. Déborah. Je disais donne-nous l'eau à la bouche. Enfin, mets-nous l'eau à la bouche. Un petit P3. Voilà. Un plan à 3 donc. Ah d'accord, ok. Hein. Je croyais que tu jouais à la bataille navale. Ah, je me dis putain, on est à toucher couler là. Qu'est-ce que j'ai pas compris. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Donc. Et ça, c'est un fantasme que tu as fait ou que tu veux faire? Que j'ai fait. Ah, que tu veux. Ah bah très bien, bah tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. Juste un déçu ou pas déçu? Ah non, pas du tout. Parfait. Bon, on en parle après Ellie Goulding et Burn alors, très bien. Tu bouges pas, Déborah ? Ça marche. Bon, on aura Vincent également par rapport à la dénonciation. Et vous toutes et vous tous en direct, il est 23h14, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. Bienvenue. We don't have to worry about nothing. La Belle et les Goulding avec Burn à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. No limites. Allez vous faire foutre. Oui. Sur Fun Radio. Exactement, je dirais même plus. Qu'emmerde moi, enculé va. Voilà, c'est pour Toff évidemment. On va faire des appels d'ailleurs dans quelques minutes avec Toff. J'en ai encore prévu. J'ai prévu une belle petite histoire pour tout à l'heure. Oh. Ouais, une belle, très belle. Très beau petit sujet. Mon meilleur moment de la journée, c'est quand Toff se fait insulter. Oui, maltraité, battu, insulté, craché. Et attention, n'oubliez pas que ce soir, il faut rappeler notre ami juge d'application des peines. Notre ami le juge. Ah ouais. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, celui qui s'est pris pour le juge d'application des peines, et surtout qui ne voulait pas raccrocher. Et surtout, ça a duré 6 minutes hein, ce truc. Hein. Ouais. Et surtout, à la fin, qui a dit. Rappelez-moi demain. Ouais. Alors évidemment, je pense qu'il a dit dans le sens où on n'appellera jamais. Ouais. C'était bien mal de nous connaître, bien entendu. Sûr. Nous ferons un rappel très rapidement. On en est où d'ailleurs au niveau? Parce que je pense qu'elle a eu l'idée le dossier, mais du garagiste de Sandro, là, le dépanneur. Ah, je vais pas relancer. Eh ben, on va relancer. Hier, on avait appelé à minuit et demi, mais il a pas décroché. C'était un peu tard, puisque je rappelle que hier, elle est tombée en panne avec sa voiture et qu'il y a le dépanneur qui est venu la dépanner, donc, et qui lui après a envoyé un texto en disant c'est un plaisir de dépanner une aussi jolie fille ou un truc comme ça. Et quand on dit dépanner, il l'a vraiment dépanné, c'est pour sa bagnole, il l'a pas mis, la voiture mis un coup de cric. Hein, dans voilà. La voiture est tombée en panne, Et elle m'a quand même traité que c'était moi qui lui ai foutu la poisse parce que je l'ai suivi avant-hier. Ah oui. Et il y avait ces deux feux stop qui marchaient plus, donc il restait que le troisième au milieu du pare-brise là. Et je lui ai dit fais gaffe, tes feux sont en panne. Ah bon? Je dirais à mon père. Et le lendemain, paf, fini. Les quatre roues à plat quoi, c'est complètement t'es morte. Tu m'as porté la poisse. Ah bah oui, ça va être de ma faute, tiens. Et Angela qui dit Mickaël et son équipe trop content de vous écouter, je mets de côté le petit bousillé accro à la crotte. C'est Toff donc. Et Adrien qui dit le jeu c'est la victoire. Ah non, c'est pas ça par rapport à la colle. On va en parler de la colle dans quelques minutes. Et Let's Be Freaks qui dit tu trouveras jamais mieux que moi Toff. Ah mais il le sait, t'inquiète pas. Hein. D'ailleurs tu es invité, Let's Be Freaks, à aller avec lui en Égypte, puisque apparemment il y va avec une fille que nous ne connaissons pas, mais en tout cas on ne sait pas qui. Mais d'après la voyante, c'est une fille qui part avec lui. Et ramène ton jeu de God. Et oui, exactement, exactement. Un petit sextoy. Voilà, exact. Bon, on va parler des appels avec Toff dans quelques minutes. On va se remettre un coup de colle là, puisqu'on est là maintenant. Tiens, avec Grégoire, t'es là? Ouais. Bon, parfait, la colle, vas-y, fais péter pour gagner l'iPad Air. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Alors, répète. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Voilà, il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Et il vous en faudra pour gagner ce soir. Et toi aussi d'ailleurs, Gary, il t'en faudra. Et en fois tout le monde en fait si vous jouez. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez M.I.K.L. les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Où est-ce qu'elles sont les réponses? Ben, je ne sais pas les réponses, on va les avoir dans quelques minutes. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, hein, facebook.com/M.I.K.L. KL officiel, tout simplement. Alors, il y a quoi comme réponse, Toff? Alors, y a... je ne sais pas sous les yeux là. Ah, d'accord. Il y a donc Marlus qui propose de l'argent. De l'argent, c'est ça, Greg, ou pas? Non. Alors, il y a du courage. Ouais. La bite? Non, la bite non plus. Il y a quoi d'autre? Florian qui propose le rêve. Le rêve? Non. Non plus. On propose le bonheur. Le bonheur? Non. Non. La conscience? Non plus. Non. La conscience? L'espoir? Ouais. Non. Un rétro? Passagedudésir.fr. Ouais. Non. Non plus. Et non. L'opportunité. Non plus. Non. Bon, non plus. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous envoyez simplement M.I.K.L. les 4 lettres, espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer qui suis-je. Et il en faut pour gagner, en l'occurrence ce soir, et pour gagner dans l'absolu, en fait, tout simplement. Il t'en faut à toi, Grégoire, il en faut à tous ceux qui écoutent. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez donc M.I.K.L. et la réponse au 64-900 ou au 63-22 par SMS pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, facebook.com/M.I.K.L. officiel. Vous venez, vous lirez comme ça la colle, peut-être que ça vous donnera plus d'idées. Et puis bah surtout, vous pouvez aussi répondre sur le Facebook. Je vous souhaite bonne chance. Il y a Amarante qui dit aussi je mets du côté FIFA et je vous écoute. Ah bah je mets de côté FIFA, bah très bien. Ludovic qui dit rappelez le juge d'hier là, please, il attend votre appel, il a dit. Oui, mais t'inquiète pas, on va le rappeler, on a son numéro. Et alors Jericho qui dit salut Mickaël, t'as une sacrée grande gueule, mais t'es au top, ton émission est super, j'adore, continue comme ça. Oh, franchement, je trouve que j'ai pas une grande gueule par rapport à d'autres. Hein. Bah oui, non, ah, ça oui. va. Et il y en a souvent qui ont des grandes gueules et qui feraient mieux de la fermer parce que quand tu vois ce qu'il y a derrière la grande gueule, il y a quand même beaucoup de néant, quoi. Enfin bon, il y a Let's Be Freeze qui dit excès de mollesse pour Déborah. Non, mais c'est vrai, autant dire les choses, maman. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Il y a Michel qui dit bonsoir, comment faire pour assister à une émission dans vos studios? Tu payes 1000 euros, Michel. Voilà, et tu peux venir. Non, en plaisant, tu fais un mail à sandro@funradio.fr et puis on check quand il y a de la place sans problème. Bon, Greg, reste avec nous, on donne la réponse à la colle avant minuit 30. Et puis on va parler dénonciation avant de récupérer Déborah là pour les fantasmes. Dénonciation avec Vincent, puisqu'on en parlait. Est-ce que tu es là, Vincent? Ouais, je suis là. Très bien. Salut, Vincent. Bon, alors, Vincent, on avait posé la question tout à l'heure, est-ce que vous dénonceriez quelqu'un contre de l'argent? Quand on dit dénoncer, c'est pas forcément un truc grave, hein, mais n'importe quoi. Est-ce que vous balanceriez quelqu'un contre de l'argent ou contre un service ou contre, je sais pas moi, un cadeau? Enfin, je sais pas. Et là, il est parti. Vincent? Vincent? Ouais, je vous écoute. Hein. Ah, ben c'était pas sûr, hein, pourtant. Il veut peut-être qu'on l'intube. Tu veux te faire intuber? Ou pas? Non, non. Ah, ça va alors, très bien. J'ai toujours ton cardiogramme au cas où, vous inquiétez pas, hein, tout est là. Hein. Bon, alors vas-y, Vincent, est-ce que tu balancerais quelqu'un pour de l'argent? Si oui, combien? Eh ben non, je balancerais pas pour de l'argent. Par contre, moi, ma colle là que j'ai, c'est un pote à moi. Je lui ai vendu un véhicule. Ouais. Et en fait, en gros, j'ai acheté un véhicule à une copine que je connaissais. J'ai retapé cette voiture. Et mon pote, il m'a foutu dans une merde, mais vraiment noire, parce qu'il s'est fait flasher de tous les côtés. Ouais. Il a fait des très gros excès de vitesse, vraiment abusé en agglomération et hors agglomération. Du ouais. coup, là, je me retrouve samedi, qui va arriver en convocation chez les gendarmes. Non. Pour un véhicule que j'ai vendu depuis il y a 2012. Mais balance, on a rien à foutre. Non, moi, je serai le premier à balancer, hein. Ouais, mais du coup, je me dis ça, parce que moi, c'est vraiment pas ma nature du tout. De mais non, mais attends, tu vas pas payer, allez, tu vas pas dire que t'as en taule, enfin quoi, que je sais pas combien il roulait, mais tu vas pas payer pour lui, le mec, c'est un con, t'es ouf. Ouais, mais en fait, le mec, il s'est déjà fait retirer le permis, en fait, là, parce que il a assumé. Attends, c'est bon, t'es pas trop marrant. Il a assumé, mais le flic, il m'a quand même convoqué pour me demander pourquoi. Ouais, mais c'est normal, la voiture est à ton nom, mais c'est là maintenant, quand tu vas aller chez les flics, que tu leur dis, écoutez, moi, je roulais pas, c'est pas moi, c'est lui. Tu balances. La voiture, en fait, le problème, c'est que moi, quand je l'ai acheté, je l'ai pas mis à mon... La carterie, je l'ai pas mis à mon nom. Je l'ai vendu de l'ancienne propriétaire directement à lui. Ah, donc ça veut dire que elle t'a balancé. Ouais, voilà. Eh ben, toi, tu rebalances derrière. Attends, voilà. Il faut jouer comme ça. Tu dis que c'est tough. Et puis lui, voilà. Et puis lui, il balance un autre. Et on parle plus. Ouais, tu dis que c'est tough. De toute façon, tu dis que c'est tough. C'est un enculé, il bosse à la radio. Oui, Bayard. Ouais, y a pas de problème. Je balance. Non, vas-y, balance. Non, mais attends, c'est bon. T'inquiète pas. De toute façon, il est déjà fiché partout. Alors, on est plus à ça près. Hein. Dis pas ça. Après, les gens, ils vont le faire vraiment. Tu me retrouves avec des mecs qui vont m'attendre en bas de la radio. Bah oui, ça peut être drôle. Bon, très bien. Mais en fait, je vous parle de ça parce que à Stanford, en Angleterre, ils veulent punir les propriétaires qui ne ramassent pas les merdes de leurs chiens. Et ils encouragent à dénoncer en offrant près de 100 euros à ceux qui balancent. Et donc, du coup, je voulais savoir si vous le feriez, en fait, tout simplement. Ah ouais, au niveau de la balance, voilà. Ah ouais, au niveau du caca de chien, je confirme. Ah ouais, alors là, direct, moi j'irai me mettre sur les champs, puis je note tous les gens qui balancent. Moi, ce que je ferais bien, hein, si ça rapportait, c'est par rapport aux mecs qui savent pas rouler, t'sais, qui les motos qui passent entre les voitures et qui font n'importe quoi, les mecs qui tournent et qui avancent alors que c'est rouge, mais ils avancent quand même dans le but de gagner un peu de temps alors qu'en fait ça fait chier tout le monde. Oh là là, je me ferais un kiff. Bah ouais, moi aussi. Oh là là là, rien que pour ça, j'ai envie d'être flic. Et à 100 euros. Et à 100 euros la balance. Oh là là, la folie quoi, la folie. Tu bosses plus, hein. Grave, grave. Bon, merci en tout cas, Vincent, d'être passé. Ouais, je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, à une personne, hein, tu connais la règle. Je passe une dédicace à mon pote qui est en train de rouler en ce moment, qui vous écoute, il kiffe Fun Radio. Ah c'est gentil, bon, on l'embrasse. C'est Alex du 6-9, il roule pour le transport là à fond. Il est à fond? Il est à fond, mais porte à fond, tu vois. Ah complètement à fond. Attention, ils arrivent là. Mais ils sont derrière. Bon, là c'est quand même une série bien merdée quand même. Pour Grégoire, au fait, sa colle qu'il a posée tout à l'heure là. Ouais. Si tu veux donner la réponse, ça sert à rien parce qu'il faut s'inscrire. Hein. Tu crois quand même pas que je vais t'offrir le cadeau alors que tout le monde s'inscrit honnêtement et toi tu vas arriver genre en court-circuitant tout le monde. Ouais, non. Même pas en rêve. Tu m'envoies le pack fun, s'il te plaît? Oui, le pack fun, ça c'est pas un problème, Vincent. Je te renvoie chez Sandro Standard. Salut à toi, à bientôt. Ciao, bisous, ciao. Ciao, et attention, Sandro qui a une promotion, elle a reçu un casque micro-casque maintenant au standard. Attention, ça rigole plus. Ça c'est ne Star rigole Trek plus. Au standard. Ah bah ouais. Oui, je confirme. L'Enterprise. Ah oui, ça je le confirme. Bon, et puis on va récupérer aussi notre amie Déborah pour parler des fantasmes. Ah, et oui. Je viens de tomber justement sur le blog d'une meuf qui a fait la liste des 50 choses sexuelles à faire avant de mourir. Alors je vais pas toutes les lire, mais j'ai gardé les plus originales. Et Déborah, figure-toi que la plus originale, c'est avoir une relation à trois, comme t'en parlais. Waouh. Eh, t'as vu un peu la classe, non? Alors sinon, il y a aussi utiliser un sextoy sur quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est rigolo. Pourquoi pas? Oui, alors. Pour voir. Surtout quand on vous les offre grâce à passagedudésir.fr. Évidemment. Passage.fr. Voilà. Alors sinon, il y a aussi être voyeur et regarder d'autres en fait avoir une relation sexuelle. Ah, j'aime bien les ça. Les films porno ne comptent pas. C'est en vrai par la fenêtre, trou de serrure, etc. Ça, ouais, c'est regarder la voisine. Ouais. Il y a avoir une relation sexuelle avec un inconnu, avoir une relation sexuelle dans le noir complet, regarder un film porno à deux, jouer à des jeux de rôle sexuels, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de bien plus âgé, ou alors avec quelqu'un de bien plus jeune, l'inverse, ou encore avoir une relation sexuelle dans un pays étranger. Bon, ça par contre c'est nul. Hein. C'est nul. Dans un pays étranger, c'est naze. Ah, si c'est avec une étrangère, c'est pas mal. Ouais. Avoir ça relation, change un peu. Une relation sous la pluie, faire un anulingus. Classe. Avoir une ouais, ça je déteste, c'est pas possible. Avoir une relation sexuelle en étant bourré, ou encore avoir une relation sexuelle silencieuse alors qu'il n'y a pas de monde à la maison. Pourquoi pas? Donc, bon, dites-moi ce que vous avez essayé, et surtout dites-moi sur Twitter celle que Tof doit vérifier ce soir avec ses amis. Si vous voulez qu'il en vérifie une, tu sais qu'on appelle des gens jusqu'à 2h du mat pour vérifier ce qu'ils font eux justement. Tiens, vous envoyez le hashtag Mickaël et puis vous mettez celui qu'il doit faire. Genre par exemple, il doit demander aux gens s'ils ont déjà fait la nulagus, s'ils ont déjà fait l'amour sous la pluie, s'ils ont déjà eu une relation sexuelle en étant bourré à 3. Tu dirais quoi, Déborah, toi? Je sais pas, il y en a plusieurs dans ta liste que j'ai déjà fait en fait. D'accord, c'est bien, mais par rapport à Tof, là, tu sais, il doit appeler des gens là pour leur demander ce qu'ils ont déjà fait. Tu prendrais quoi la liste? Ah, la nulingus. Bon, elle va être très bien. Bah, allez-y, je vous mets le son de Drake avec Hold On Where You're Going On. Et puis, bah, juste après, on fera les appels. On va également faire le Je t'emmerde avec François et avec Pierre-Alex. Et puis, on va parler de tes fantasmes, Déborah, puisque tu as déjà fait un plan à 3. C'est arrivé comment le plan à 3? Il est arrivé comme ça ou... Bah, une soirée. Et puis, bah, on s'est dit, tiens, pourquoi pas. Et puis, on s'habille en petite tenue. Et puis, voilà. D'accord, ok. Et bien petite tenue, c'est vrai, mais en policière et en soubrette. Oh sympa. Là, ah, sympa. Voilà. Et juste encore un autre truc. C'était un plan en 3 mais avec des gens que tu connaissais ou pas du tout? Oui. Mais les tous, c'était ton mec et quelqu'un d'autre ou pas du tout? Non, c'était un couple d'amis à moi en fait. Ah d'accord, ok. Oh sympa. Bon voilà. Écoute, bah pourquoi pas. On rentre dans le détail après, Déborah. Tu restes avec nous. On se met le son de Drake, un bon son sous la couette comme tu disais. D'accord. Ah, c'est vrai que t'es tranquille, t'écoutes ça sous la couette, t'es à la bien. T'es à la cool. Ouais. Ah complètement. 23h30 sur Fun Radio. On va jouer dans quelques minutes au Je t'emmerde pour gagner votre casque. Et moi je voulais jouer au Je t'emmerde. Eh bah trop tard, c'est prochaine. C'est Drake qu'on écoute maintenant, bouge pas des beaux. Drake sur Fun Radio avec Hold On We're Going On sur Fun Radio. On va faire les premiers appels avec Tof. Pour l'instant vous êtes nombreux à vouloir que Tof appelle pour l'anulingus. Donc on va le faire dans quelques minutes, pas de problème. Ah bah ouais. Bah t'avais bien choisi Déborah, tiens. Ouais bah tu voilà vois, pas mal. Bon, on fait le premier aller. Bah du coup ouais, pas mal hein. Quel talent Déborah. Ah ouais. Mais ouais. Bon, on fait du coup le premier appel maintenant, hein, vite fait à mon avis. Hein. Allons-y. C'est rarement long, à part notre juge d'application des peines. Et ça, on le fera après minuit, le juge d'application des peines. Bon, on y va, on fait le premier appel pour savoir. Donc, alors du coup, on leur demande simplement s'ils ont déjà pratiqué l'anulingus, quoi. C'est ça. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Reste avec nous, Débo. On te récupère après. Et on fera le jeu du Je t'emmerde juste après également sur Fun Radio, là. Alors. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pratiqué un anulingus. Et ta mère, elle n'a pas pris que non? J'ai pas bien compris votre réponse. J'ai dit votre mère, elle n'a pas fait un déjà? Je sais pas. Donc juste... un culé, va. Je comprends pas, pourquoi vous dites ça? Bah la raccrocher, là, attends. On va la rappeler. Ta mère. On rappelle. Allez, et on appellera le juge tout à l'heure. Restez bien sur Fun Radio. En plus, on est au cœur d'une heure sans pub, donc pépère. Allô? Excusez-moi, mais pourquoi vous voulez que j'aille me faire enculer? Bon, allez, vous allez me casser les couilles longtemps ou quoi, là? Mais non, pas du tout. Je vous posais juste une question et vous avez oublié d'y répondre. Eh bien, je m'en bats les couilles de ta question. Bah, c'est pas gentil, ça, madame. Mais j'en ai rien à foutre. C'est qui, d'abord? Moi, je m'appelle Tof. Tof? Eh bien, c'est bien, Tof. Oui, bah oui, je sais que c'est bien. Et eh ben voilà, ben c'est très bien. Votre question, j'ai pas besoin d'y répondre et voilà. Bah si, c'est parce que ça. Vous cassez plus les bonbons. C'est pour ça que je vous appelle en fait, madame. C'est pour que vous répondiez à la question. Mais moi, je vous emmerde et votre question, je n'y répondrai pas. Mais pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Mais parce que vous m'en cassez les couilles. Mais je vois pas le rapport, madame. Bon, vous savez quoi? Allez vous faire mettre. Voilà. Ça, au moins, ça aura au moins eu le mérite d'être clair. Hein. Ah oui. Ah bah oui, complètement, là, complètement. Très bien. Bon, alors, Déborah, explique-moi un petit peu ton plan 3, comment ça s'est passé. On appellera d'autres personnes tout à l'heure. Donc, si vous avez des numéros de téléphone de gens encore debout à cette heure-ci à proposer à Toff, hein, pour qu'on appelle avant. D'ici à 2h du mat, on en appellera plusieurs. Vous envoyez un mail sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Voilà, j'attends le numéro avec impatience. Exactement. Bon, alors, Déborah. Oui. Raconte-nous. Débarre hein, avec la nulingus là. Ah, t'as vu, hein, c'est pas mal. Bonne idée, ah, là, là. Déborah, hein, t'as vu. Et il y en a plein qui ont eu, qui avaient proposé aussi là, la nulingus sur le Twitter et sur le Facebook. Donc, c'est très voilà. Bien. Voilà, bonne idée à toi, Déborah. Voilà, merci de nous avoir donné l'idée. On reconnaît les cochons. Ouais, alors, exactement. Alors que Toff, il voulait faire l'amour sous la pluie. Bah oui. Tu vois, c'était naze. Mais non, c'est bien l'amour sous la pluie. Oui, mais c'était moins. Rock'n'roll. Bon, un petit peu de poésie, mais. Ils sont prudes. Bah oui, exactement. Mais oui, tu parles. Bon, Déborah, alors on va faire le jeu du je t'emmerde. Donc on va parler avec toi brièvement maintenant. Le plan 3, donc explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, nous étions donc à 4 au début, sur le balcon, en train de boire un verre. Ouais. Donc il y a un des garçons qui est parti, il fallait qu'il rentre. Donc moi je reste avec mon couple d'amis. Ah. Et puis ben on est parti d'un plan 3 pour rigoler. Est-ce que vous avez échangé des doigts avant? Pardon? Non, rien, vas-y. Non, je me demandais si vous avez échangé quelques doigts avant. Bah, dans le lit, oui. Ah, dans le lit, oui, bah c'est normal en même temps. Avec son de Drake ou pas? Pardon? Avec le son de Drake? Ah non, même pas. Ah merde, le son c'était nos bruits, nos gémissements. Ah oui, c'est bien aussi, là, notre. Voilà. Surtout les tiens. Ouais, surtout, ouais. Ouais. Et puis ben donc après avec ma copine ben on a été mettre une petite tenue donc elle en policière et puis moi en petite soubrette. Oh là. Ah c'était deux filles et un mec. Ouais. Voilà. Ah mais il a eu de la chance monsieur. Oui. Oui tout à fait. Il s'est mis bien là en plus hein. Il était bien. Ouais. Et donc alors. Et puis ben on s'est fait des bisous, on a bu un verre, hop, on s'est embrassés toutes les deux et puis lui et moi et puis elle et lui et puis tous les trois on a fini dans le lit et hop. C'est parti, les quatre fers en l'air, et puis voilà. Et t'as fait d'autres fantasmes ou pas, toi, d'autres que t'avais à faire ou que t'as envie de faire? Ben, j'ai fait deux mecs et puis moi. Ouais, ok, mais c'est toujours plan 3. Et quoi d'autre? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait après, divers endroits. Piscine privée, piscine publique, voiture, escalier. Ah ouais, d'accord, ok, t'as tout fait, toi. Et y en a un que t'as envie de faire et que t'as pas encore fait? Ouais, l'ascenseur. Parfait. Alors, écoute, on a des pauses d'ascenseur, la radio. Ouais, ne bouge pas, Déborah. On en reparle dans quelques minutes. On va d'abord prendre Pierre-Alex et François qui sont avec nous là. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Parfait. Alors, Pierre-Alex t'appelle de la boule, c'est ça? Voilà. Et François de Paris. Oh, le Paris! Qui a perdu ce soir, hein, face à Diopolo Gaillard. Ah bah ouais. 36 matchs sans défaite et puis le drame. Tu disais, François? Tu disais, François? Voilà, je suis en internat à Montargis, tu vois, je suis pas à Paris maintenant. Ah ouais, non, mais c'est pas grave après, hein, je sais pas si t'es supporter ou pas, mais en tout cas, c'est fait. Ah non, mais j'habite là. Il n'y a pas de problème. Bon, alors François et Pierre-Alex, on va faire le jeu du je t'emmerde. Le principe est relativement simple. Je t'emmerde. Il faut en placer un maximum dans une et même conversation la plus naturelle possible. Donc pas de placer de je t'emmerde, ça veut rien dire. Hein. Ok, d'accord, on les comptabilisera pas. Et il faut bien dire je t'emmerde et pas je vous emmerde ou vous m'emmerdez, etc. etc. D'accord? D'accord. Bon, qui veut commencer? Ne répondez pas tous en même temps. Eh ben, ce sera Pierre-Alex. Allez, c'est parti, on y va, Pierre-Alex. Il faut placer un maximum de je t'emmerde et il y aura une manche juste après la pub également, la deuxième manche. Bonne chance, dès que t'entends plus la musique, tu vas dire allô. Allez. Allô? Allô? Oui, bonjour, excusez-moi. C'est pour savoir si dans votre quartier, parce que je sais qu'on habite à côté et tout, et il y a eu un souci dans le quartier. Partout c'est écrit je t'emmerde, même chez moi et tout, c'est écrit sur la télé je t'emmerde, sur le four je t'emmerde, dans la cuisine je t'emmerde. Même ils ont même violé ma femme, ils ont même écrit je t'emmerde sur la fesse droite, et même mon pote Gouloum, ils l'ont violé, ils l'ont écrit sur la bite je t'emmerde. Alors est-ce que ça vous est arrivé déjà? Parce qu'il a raccroché déjà, t'emmerdes pas. Oh, le viol de la femme, mais c'est comme lourd, hein, dit Pierre-Alex. Et Gollum. Et Gollum, ouais. Bon alors combien de je t'emmerde? 6. 6. Bon, François, faut faire mieux que 6. Gollum, c'est mon pote. Bah oui, mais Pierre-Alex, reste avec nous. François, faut faire mieux que 6, d'accord? François? Ouais. Ah très bien, je croyais que t'étais parti. Bon, alors attention, vas-y François, mieux que 6, dès que t'entends plus la musique. Bonjour, messagerie de Corentin Masson. Hop là, papapapap, on en appelle un autre de numéro là, attention, dès que t'entends plus la sonnerie, enfin dès que t'entends plus la musique surtout, tu dis allô, d'accord? Ok. Allez, vas-y. Et il faut faire mieux que 6. Tu peux me faire passer pour un proche? Tu fais comme tu veux. Allô? Ouais, allô, frangin? Oui? Ouais, ça va ou quoi? C'est qui? Bah, c'est ton frangin, wesh. Ah non, pas du tout. T'emmerdes. Eh ben voilà. C'est nul. Un seul. Mais comment tu peux penser que le mec va croire que c'est son frangin? T'es pas son frère. Bon, ouais, c'est pas grave. François, il y a la deuxième manche après. Rien n'est gagné encore. Pierre-Alexis a fait 6, t'as fait 1. C'est pas mal. Ça peut faire mieux, mais c'est pas mal. Donc restez là. On fait la deuxième manche juste après. On va récupérer Déborah avec ses fantasmes. Dites-nous aussi d'ailleurs si vous balanceriez quelqu'un en échange d'argent. Voilà, peu importe le problème. Est-ce que vous balanceriez quelqu'un en échange d'argent? Et puis parlez-nous de vos fantasmes également. Tiens, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Il y aura la colle. On va remettre le couvert avec notre ami Grégoire également. Pour gagner votre iPad Air, donc restez avec nous sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, on écoute le son de Fédé Legrand avec Long Way From Home sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est ici que ça se passe dorénavant, 23h-2h et le dimanche de 20h à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio, 23h-2h, No Limit, No Limit, Mickaël, sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, les bienvenus si vous voulez débarquer. On est en direct dans toute la France avec Magdalena sur le Twitter qui dit ça fait 2 semaines que je suis tombé sur votre émission, je suis venu accro, merci d'être là tous les soirs, je vous embrasse. Bah non, c'est toi Magdalena qu'on doit remercier d'être là tous les soirs. Je vous rappelle qu'on sera à Montpellier également tout ce week-end, hein. Vendredi on débarque à l'aéroport, on va venir vous chercher également au bahut sur l'esplanade du lycée Joffre vers 16h, on sera sur place avec des cadeaux, plein de trucs à vous offrir et puis on sera là aussi avec une Jeep logotisée, puis on aura les Twizy, les hôtesses de fun, etc. Ça va être la folie. Total. Que samedi on sera à Castelnau-le-Lez aussi pour faire un match de foot avec vous, Soccer 5, donc si vous voulez venir je vais vous mettre un petit post sur le Facebook où vous allez pouvoir vous inscrire, hein, pour ceux qui veulent venir, il y aura des places à gagner pour I Love Techno qui aura lieu dans 8 jours une bonne semaine quoi, à Montpellier, donc on aura des places à vous offrir pour I Love Techno, puis dimanche on fera l'émission en direct depuis les studios de Fun Radio Méditerranée sur la place de la Comédie à Montpellier également, donc voilà, à la cool si vous voulez venir nous rejoindre, évidemment vous êtes les bienvenus et facebook.com/mickaëlofficiel hein, pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer. En tout cas on sera là et bien là et on va même vous inviter à venir bouffer avec nous aussi samedi soir. Oh c'est bon ça. Après le match, un petit resto pépère, entrée, plat dessert, tout gratos payé par Fun. Donc c'est cool. Allez on en reparle après, Fidel Legrand, c'est Long Way From Home. Bienvenue sur Fun. C'est Fun Radio, le son de Fédé Legrand à l'instant, Long Way From Home sur Fun Radio. Allez, venez délirer avec nous, on est ensemble tous les soirs sur Fun Radio de 23h à 2h du mat. Et ça y est, je viens de vous poster le petit, comment on appelle ça, je sais pas moi, le lien. Le lien, ouais, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. Le lien pour que vous puissiez vous inscrire pour venir à l'émission dimanche soir en direct du studio de Fun Radio Méditerranée à Montpellier, pour venir également faire un foot au Soccer 5 à Castelnau-le-Lez. Ce sera 16h samedi et puis vendredi, oui je fais le truc à l'envers, vendredi on viendra vous chercher au bahut sur l'esplanade du lycée Joffre, donc aux alentours de 16h on restera là pendant 2 bonnes heures, donc avec cadeaux, les hôtesses de fun, le 4x4, tout sera là, donc on vous attend nombreux et nombreuses. Et en parlant de cette offre, j'ai Marilyn, 37 ans, 1m70, 64 kg, 90B, 38 de pantalon, qui passera nous voir. Ah pardon, je pensais qu'elle nous héberger. Ah peut-être, après c'est possible aussi. Hein, mais je sais avec pas, grand écoute. Plaisir. Bah, ouais. J'imagine bien. Donc voilà, j'ai une photo. Elle est blonde, Toff. Ah mais parfait. Parfait, très bien. Tu fais la commande? Je prends immédiatement. Oui, très bien. Bon ben voilà, comme ça le message est passé. Donc l'hébergement, comme on sait pas où on va dormir. Oui. On verra. Donc si vous voulez nous héberger sur Montpellier ou la région, hein, pas de problème, c'est avec plaisir, on passera. Il y a Lucas qui dit le gros kiff du soir encore en top tweet, mais pourquoi pas en top tweet world? Ah ben je sais pas Lucas, mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Il y a Dams également, pour de l'argent, je balance que Toff. Quentin qui dit moi je balance Toff dans n'importe quelle situation ça passe. Et Angelina qui dit il se passe enfin quelque chose de bien à la radio. hashtag et Mickaël. Merci Angelina et gros bisous. Soum Soum également qui dit il a fait un seul je t'emmerde mais il venait du cœur. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Et Angelina qui dit ah le mini je t'emmerde de merde qu'il a lancé là. Ah oui, c'est clair. Ah François, t'as été la risée du Twitter là. Ouais, t'es la honte. Mais il faut faire mieux, il faut faire mieux, je compte sur toi. Bon, Pierre-Alex qui a fait 6 je t'emmerde, François qui en a fait qu'un seul. Donc on remet le couvert, t'es prêt François? Ouais. Bon, allez, et un peu la pêche là, on dirait que t'as enterré toute ta famille là. Non mec. Mais je pense qu'on peut Bah ouais. On peut pas lui mettre la machine. Je sais pas trop quel sujet tout cogner moi. Bah quel sujet, en même temps tu dois pas appeler pour un sujet, tu dois juste faire le je t'emmerde. Je sais mais pour dire Ah bah ça je sais pas, ça c'est l'improvisation. C'est le jeu mon ami. Bah oui, tu fais comme tu veux. Bon, on y va, t'es prêt François? Dès que la personne décroche et dès que t'entends plus la musique en dessous là, tu dois dire allô et puis essayer de placer un maximum de 6 je t'emmerde, enfin un minimum de 6 je t'emmerde pour tenter de gagner. C'est parti. Ah bah non, on va jouer avec Pierre-Alex. Vas-y Pierre-Alex. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour vous dire, dans le quartier, il y a eu un problème, il y a eu un cambriolage où c'était écrit je t'emmerde partout, sur les murs je t'emmerde, sur les plafonds je t'emmerde, même sur les télés c'était écrit je t'emmerde et sur les faux, surtout c'était écrit je t'emmerde, même ma femme s'est fait violer mais je m'en bats les couilles, c'était écrit sur sa fesse, je t'emmerde avec mon famille. Et même sur kebab, c'est un pote à moi qui s'appelle kebab. Comment? Même sur un pote à moi qui s'était écrit qui s'appelle Kebab. Hop, il a raccroché, oh là là. T'emmerde pas, il a raccroché. Combien je t'emmerde? 5. 5. T'as fait moins bien encore Pierre-Alex. Moins bien, moins bien, moins bien. Bon, c'est pas grave, on garde le 6 évidemment, on garde le meilleur score des deux. François, si tu fais mieux que 6, tu gagnes le casque qu'on file, le casque focal toute la semaine, ça vaut 200€ et on te le file ce soir François si tu y arrives. On appelle, t'es prêt? Ouais. Allez, on y va, on y sois croit. Fort, François, on y sois croit. Fort. Allez, dès que t'entends plus la musique, c'est à toi. Allô? Allô? Ouais, alors bonjour monsieur, je travaille pour une entreprise de la société anti-verbalisation des gros mots nationales. Qu'est-ce que ça? Je travaille pour une entreprise anti-verbalisation. Anti-verbalisation. Oh, ouais, en fait c'était pour les mots, pour les gros mots. Je travaille pour les gens. Non. Toi aussi rame un bon coup. Qu'on lui offre une pelle. Allô. Il est toujours là. Hein, c'est quand même miraculeux, mais il n'a pas placé allô un seul. Allô. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je travaille pour une association anti-vulgarisation. Vulgarité. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent je t'emmerde, vous trouvez pas? Ah, un seul. Non, mais vous avez pas autre chose à faire que d'appeler les gens à ce temps-là? Bah non, non, mais vous savez, c'est le travail, monsieur. Okay. Bon, allez, on va. Non, je t'emmerde. Deux. Et ça sera tout. Oh là là. Hey, mais c'est le pire. Anti-verbalisation, c'est bon ça. Mais t'es mauvais. Oh non, c'est pourri. T'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. Oh, il était stressé, ça arrive. Ah ouais, bah oui, écoute. Bon, Pierre-Alex. Ouais, bon, j'ai gagné. Bravo, hein. Mais t'as pas été bon non plus, mais bon, bravo quand même, là. T'en as fait 6, c'est pas mal. Bah, la dernière fois que j'ai joué, l'autre, il avait fait 30 scores. Hein. Ah bah oui, bah 30, c'est beaucoup. Bah 6, c'est pas bon non plus, mais enfin, t'as gagné quand même. Hein. C'était le meilleur des deux, donc bravo. Et puis, bah, oui. François, t'as quand même fait mieux que ton score d'avant, c'est bien, t'as fait 2. À la place de 1, malgré tout, c'est quand même pas mal. Hein. Ah oui. J'ai le droit à une dédicace? Allez, vas-y, une seule personne. Je fais une dédicace à mon grand frère que j'aime, Guillaume. D'accord, bah le message est passé. Et toi, François, tant que t'es là, non? Ouais, moi, j'en fais une aussi. D'accord, bah vas-y. Je fais une dédicace à Mounir de Kennedy, à Thomas et à... Très bien, oui, mais c'est une seule personne. Tu t'es un peu emballé, François. Bon, en même temps, t'as perdu, donc bon. Pas de problème, les messages sont passés. Pierre-Alex et François, merci beaucoup d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Et comme on est dans les jeux, eh ben, y a le message aussi de Giovanni qui dit oh là là, quel artiste, François. Oui, là, pour le coup, en effet, je confirme. Et comme on est dans les jeux, ben, on va vite terminer maintenant avec... Enfin, terminer. On va refaire encore un coup la colle de Grégoire pour gagner l'iPad Air. Greg, vas-y, on t'écoute. Donc, il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Répète. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Voilà, il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Il vous en faudra pour gagner l'iPad Air, tout comme toi d'ailleurs, Grégoire. Hein. Si vous avez la bonne réponse, si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Sans oublier également que vous pouvez bien sûr participer sur le Facebook de l'émission en venant vous connecter. Venez d'ailleurs de plus en plus nombreux, on est plus de 289 000 depuis 4 mois là. Donc, tout simplement, vous allez facebook.com/mikaelofficiel. Venez nous rejoindre. Grégoire, on donne la réponse avant 12h30. Si la personne qu'on appelle décroche et donne la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, Grégoire, d'accord? Okay. Allez, bouge pas de la Grégoire, on te récupère encore une fois d'ici 10 petites minutes. On va encore faire d'autres appels avec Toff, on aura les teubés dans quelques minutes. Et puis on a aussi, on a également Déborah avec nous. Salut Déborah. Oui, enfin, salut Déborah. Pour ceux qui viennent de débarquer, bien entendu, Déborah qu'on a eu en début d'émission et qui voulait parler des fantasmes. Elle en a déjà fait plein des fantasmes. Oui, Déborah, une femme ouverte. J'avais une question sur ton plan A3. Est-ce que tu as déjà fait une double peinée? Oh. Mais enfin, c'est pas possible. Joker. Ah, ouais, je prends ça donc pour un oui. C'est ça. Hein? Et c'était bien? Oui, très bien. Bon, écoute, d'accord. Je te propose une triple peinée. Non, avec vous trois? Ah bah ouais, bien sûr, ouais. Ah non, moi je participe pas à savoir. Ah, ah, c'est, non, c'est, d'ailleurs, non, c'est de voir Toff. Moi, je suis d'accord avec moment, toi. À aucun moment je pourrais faire un plan. Déjà avec un, avec deux mecs, c'est pas possible. Non. Mais en plus avec Toff. Oh, bah Mickaël, je te trouve une fille et puis on fera un plan à trois alors. Si ouais, alors d'accord avec deux filles, ouais, mais avec une, avec un seul, avec un mec en plus, c'est impossible. Oh là là. D'accord. Je filmerai. Oh là là. Mais je peux essayer de trouver une fille pour toi, Mickaël. Non, bah c'est gentil. Bah tu peux essayer. J'aime bien le essayer. C'est bah, écoute, c'est pas gagné, hein. Mais. Mais non, mais c'est difficile. De nos jours de trouver une fille avec qui. Ah bah oui, et surtout moi qui suis encore plus difficile. Oh là là, c'est le plus bah difficile. Bah oui, je vois ça, je t'ai envoyé des photos, même pas tu m'as répondu, alors merci. Ah bon, bah tu m'as envoyé quand? Je suis passée la semaine dernière quand j'ai fait le battle pour la simulation d'orgasme. Mmh. Et j'ai gagné un god. Mmh. Et tu l'as reçu? Et tu l'as envoyé où? Sur le Facebook ou sur mon mail? Non, sur ton mail à toi et sur le mail à Apollo. Hein? Comment? J'ai rien eu, bah, c'est que j'ai pas eu, sinon je t'aurais répondu. Hein, bah, je t'en ai envoyé 5 en plus, des photos en lingerie avec des copines. Bah, écoute, je l'aurais remarqué. Non mais à mon goût, pas répondu, tu vois, c'est pas un souci. Mais j'ai rien eu. Ah bah renvoie alors, c'est que je les ai pas eu. Pour le coup, peut-être que les photos étaient trop grosses, je sais pas. D'accord. Bon, écoute, renvoie-moi ça. Très bien, bah, sans problème. Bon, il y a Benoît qui envoie au mauvais, hein, tu m'as renvoyé à moi, je t'aurais répondu. Ah direct. Bah oui, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Bon, il y a Benoît aussi qui dit Mickaël à la quiche au jeu, je t'emmerde. Et Laurie qui dit au rendez-vous, comme chaque soir, continue comme ça, bisous à toute l'équipe. Merci Laurie et bienvenue, hein, si tu viens de débarquer. Et Amine également qui dit bonsoir l'équipe de Fun, je serai présent à Montpellier ce week-end avec plaisir, je vous héberge. Ah bah merci Amine. Mon fantasme serait de me faire Sandro. Ah oui, bah écoute, pourquoi pas, hein, chacun son fantasme. C'est vrai hein. Qu'elle est pas mal. Ah, tu voudrais Déborah toi? Bah, elle est bien. Ah, très bien. Et là, oh là là, oh là là. Déborah. Oui. Il y a quelqu'un qui veut te parler. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, j'ai cru qu'il était décédé. Ah, ah, mais ouais. C'est pas. Alors, si je vous dis, si je vous dis ça. Je te sucerai le sang. Ah, tu aimes le sperme? Et Gilou, bien. Et Gilou qui est avec nous. Ouais, salut. Salut. Comment ça va, Gilou? Oh, cool ça. Oh, bah alors, mon Gilou. Bah oui. Ah, t'aimes le sperme, Gilou? J'aime le sperme. Non, il y a Déborah qui te demandait si t'aimais le sperme. Ah non. Attends, c'est une femme ou un homme? Mais c'est, bah, c'est une femme, elle s'appelle Déborah, Gilou, voyons. Ah bah, je sais pas, moi. Mais Gilou, dis donc, tu te rappelles pas, on a fait le petit sketch avec les mecs d'EDF. De quoi? Et il a oublié, oh, il a oublié. Il a la c'est trop loin, c'est trop loin, Déborah, c'est trop loin. Gilou, c'est un début d'Alzheimer. Déborah. Ouais, ouais, t'as raison. Et Déborah. Oui. Tu t'es déjà fait poser le gaz? Tu t'es quoi? Fait poser le gaz. Je sais pas ce que c'est. Ah non, Gilou, mais c'est très bien, Gilou. Viens voir ton petit Gilou, tu vas voir, il va te faire ça tout. Gilou, il est au taquet. Complètement. Ouais. Gilou, tu fais peur. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, bah bien sûr, c'est vrai. Mais c'est quoi le. Est-ce que tu t'es déjà fait poser le gaz? Dans la turbine à cacao. Ah, oh, t'es dégueulasse, Gilou. Ah, ben non, mais non. La mais turbine non. À cacao, t'appelles ça, toi? Ah non. Une bonne turlute après, tu vas voir. Oh, après. Oh, oh, Gilou. Après, s'endort. Ah, Gilou, t'es dégueulasse. Okay. Même moi, j'aurais pas osé. Je te toucherais le sang. Ah, mais oui, complètement, évidemment. Et oh là là. Arrête, me fais manger. J'ai cherché un troisième, là, tout à l'heure. Je sais pas quoi, là. Ah oui, non Déborah, oui, c'est vrai qu'elle cherche un troisième mec. Ben alors, moi, ben, carré. Non, mais c'est bon, j'ai déjà mes plans, t'inquiète. Ah, mais Déborah, vas-y, Déborah. De quoi? Ben oui, évidemment qu'elle cherche un troisième Gilou, là. T'es partant pour faire un plan à trois avec Déborah? Ah, ben, y a pas de problème, hein. Ah, bah, ben, complètement, bah, très bien. Et, qu'est-ce que. Le rendez-vous, c'est vous? Ah, bah, ben, attends une seconde. Est-ce que t'as déjà fait des plans à trois, Gilou? Bah bien sûr. Hein. Mais avec, là, avec, avec partir, hein. Ouais, mais avec deux mecs, deux filles. Route, hein. Avec deux mecs. Deux mecs ou deux filles? Deux filles. Ah, deux filles, pas de mecs. Oh, bah au cas où, oui, il faut un. Merde, il en faut un quand même qui parle de la photo, quoi. Qui tourne la caméra. Non, mais, hein. Bien sûr. Ah oui, d'accord, ok, tu veux prendre la caméraman. Bah oui, écoute, Toff il vient filmer lui, hein, pas de problème. Hein. Moi je vais avec ma grosse caméra, y a pas de souci. Ah bah oui, voilà, non mais sans problème. Je fais des gros plans. Complètement, magnifique, ouais. Bon, il faut organiser ça, tu dois. Eh ben très bien, bon, on va organiser Gilou alors, hein, sans problème. Ouais. Elle est bien gaulée. Oui, elle est bien. Ah non, elle est grave bien gaulée. Hein. Ah ouais, Toff, c'est combien cette mensuration? Alors, attends, Toff a noté, il a son petit carnet. Hein. 1m69, 62 kg, 95 D Gilou pour 38. T'es comme Denise. Hein? T'es comme Denise. Oui, ouais. Et la branlette espagnole n'a qu'à bien se tenir. Oh, bah, ça. Et bien il faut ça. Un vélo pour faire le tour. Dis donc, qu'est-ce qu'il est con lui. Mais non, mais attends, et la branlette espagnole, t'aimes bien Gilou ou pas? Ouais. Ah ouais, tu sens qu'il kiffe. Hein. Ah j'aime bien ça, les cravates de notaire, là, tu peux en faire aussi, il y a de la place. Hein. Ah bah, il y a de la place, oui, bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Tu peux en faire demi-tour, quand même. Mais alors, c'est quoi une cravate de notaire, Gilou? Bah, tu la mets entre les deux seins. Bah, ça, c'est la branlette espagnole. Bah oui. La cravate d'un notaire, c'est un peu pareil. Hein. Ah, d'accord, ok, ouais, sauf très bien. Sauf qu'en fait, bah, j'ai découvert qu'en fait, les couilles, c'était le nœud de la cravate. Après, hein? Bah, les couilles, c'est les nœuds, c'est le nœud de la cravate. C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est-à-dire que la branlette espagnole, tu vas... Ah, t'es en dessous et tu montes. Et tu montes, et la cravate de notaire, tu descends vers le ventre. D'accord, ok. Version spécialiste. Et donc, où sont les testicules? Au niveau du cou. Ah, d'accord. Bah, soit que le prendre dans la bouche ou qu'elle prenne les couilles dans la bouche. Oh, Gilou. Ah, merci Gilou, bah ouais. Parfait, la classe. La condition d'aller au coiffeur. Oui, c'est très bien. Oui, on va chez le coiffeur. On va au pute, mais on va chez le coiffeur. Il va rester plein de poils dans les dents, c'est emmerdant. T'es crade, Gilou. Oh non, mais non. Mais si. Non. Mais si. Non, il est pratique, il est pratique. Oui, c'est ça, ouais. C'est vous qui êtes fiers et tout. Mais oui, on est fiers, évidemment. Bon, bah, dis-lui qu'elle prenne sa brosse à dents et puis qu'elle vienne. Je vais commencer. C'est mes enfants qui commencent à se réveiller là. Attends, qu'est-ce que t'as dit que tu allais commencer quoi? Ah oui, ses enfants. Le père de mes enfants, il commence à se réveiller là. Je pense à la tiote là. Non, elle est Gilou. Je le vois dans le Gilou. Oui. Dis donc, j'ai entendu des bruits suspects, t'es quand même pas en train de te branler? Ah. À peine. Oh là là, t'es dégueulasse, Gilou. Passes-tu des bruits? Hein? Oui. Tu veux venir avec moi? Hein? C'est un petit peu dans la vidéo, on va se calmer, hein? Oui, mais elle est longue, pas la mienne, hein? Peut-être que... Hein, c'est une télescopique, hein? Télescopique. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, bah, bien sûr, évidemment. Bon, on en doute pas, Gilou. Gilou, bah, bien sûr. Bon, mais tu sais, Gilou, que t'as beaucoup de succès. Il y a beaucoup de filles hein, qui demandent à t'appeler tous les soirs et tout. Ah ouais hein. Ah bah oui. Et tu leur diras qu'ils m'envoient un cadeau pour demain. Bah et pourquoi un cadeau? Parce que demain, c'est mon anniversaire. Non. Oh, bah il faut appeler demain, Gilou. Ah bah bien sûr. Un bon anniversaire. Tu veux que je te mette la musique d'anniversaire, Gilou? Non, bah c'est vrai. Ah sinon, j'ai... Gilou, hein? Sinon j'ai une... Ah, exactement, Déborah. Tu veux que je te mette ta musique d'anniversaire? Ah, demain, tu peux le passer, si tu veux, oui. Ah, mais pas aujourd'hui, donc demain. Ah non, bah demain. Ah bah oui, forcément, bah, très bien. Je suis du 5. Ça ah, fait... t'es du 5, très ça bien. Ça fait quel âge? On est le 4. Ça fait quel âge, Gilou? Oh, je n'ose pas le dire, après vous allez plus m'écouter. Mais attends, mais hey, Gilou, attends, t'es où, Gilou, on est le 5, là, depuis 5 minutes. Bah oui. Non, 75. Mais non. 75, oh. C'est son année de naissance. Non mais bien. Mais dis donc, on est le 5 décembre là depuis 5 minutes. La musique alors? Ah bah oui, donc musique. Ah bah oui. Alors. C'est bon, t'en as sur les doigts, Gilou? Ah, quelle horreur! Oh là là, quelle angoisse, je suis angoissé là, c'est bon là. Bon, Gilou, on te rappelle demain pour l'anniversaire et on essaiera d'avoir plein de filles pour te draguer. Ah bah, bien sûr. Hein. Ah, très bien. Bon, et décroche demain quand on t'appelle. Hein. Ah bah, je suis là au moins. Bah, j'imagine. Allez, à demain, Gilou. Très bien, oui. À demain, au revoir, Gilou. Ma chérie. Salut, Gilou. Et dors bien, pense à moi. Hein. Oui, t'inquiète pas. Salut, Gilou. Salut, allez. Ciao. Allez, salut, bonne soirée, okay. Gilou, à bientôt. Et merci, Déborah, également d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Hein. Il n'y a pas de quoi, je peux avoir un petit cadeau? Oui, il n'y a pas de problème, on va te filer un pack, il y a des DVD aussi Paris à tout prix qu'on a, il y en a deux ou trois aussi, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. D'accord, ça marche. Gros bisous. Salut Débo, ciao. Salut. À toi. On aura Givano ou Giovano, comment on dit? Allô, Givano ou Giovano? C'est Givano. Givano, très bien, Givano. T'appelles de Paris, enfin dans les Hauts-de-Seine, toi, le 9-2. Il y aura Stéphanie également, elle de Paris également. Salut Steph. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah tranquille, on va parler des fantasmes aussi, Steph. Ouais. Bah ne bouge pas de là. Il y aura Pierre également. Pierre, t'es là? Salut, je suis là. Ça va bien? Ça va, ça va. Bon, alors Pierre, reste avec nous. On va parler fantasmes également. On aura Bill. Pour parler de quoi, Bill, dans quelques minutes avec toi? Moi, c'était... Allô? Oui, ouais, c'était bonsoir. Parler en fait, bonsoir à tous et à toutes. C'était pour parler en fin de compte de la difficulté de trouver quelqu'un, par exemple, quand on avait beaucoup de boulot, ce genre de trucs, ce genre de choses, en fait. D'accord. Bon, bah, Bill, reste avec nous. On va parler avec toi dans quelques minutes. On aura la colle avec Grégoire pour gagner l'iPad Air. On va encore faire un appel. On va appeler le juge d'application des peines. Le JAP, dans quelques minutes. Ah, oui, parce qu'on l'avait eu hier au téléphone. On a fait un appel avec Toff pour lui poser je sais plus quelle question. Et il a dit, je suis juge d'application des peines. Eh bien, je retrouverai votre numéro. Demain, je viens, machin. On va vous arrêter. Donc, il a dit, eh ben, rappelez-moi demain. Donc, évidemment, on va le rappeler. Hein, bah oui, sous le sens. Qui me demande de le rappeler, je le rappelle. Moi, bien entendu, évidemment. Donc, on va s'écouter le son de Global DJs maintenant sur Fun Radio avec Kids. Et puis, bah, on l'appelle juste après. Bougez pas, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous venez de débarquer, il est minuit 8. On est en direct jusqu'à 2h depuis le 22 juillet. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Prévenez vos potes, vous êtes de plus en plus nombreux. Twitter, Facebook et à écouter l'émission. Et merci beaucoup. Global DJs à l'instant sur Fun Radio, c'était Kids, bienvenue si vous arrivez, je vous cale aussi dans quelques minutes. Un son que vous nous avez fait découvrir, comme quoi finalement ça arrive aussi. Hein. New World Sounds avec Flute. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Ça j'adore. J'adore ce morceau. Ah oui, parce que ça fait de la flûte. Ouais. Eh oui, évidemment. Bon, et voilà, vous l'avez fait découvrir il y a deux semaines, on vous le met maintenant presque tous les soirs. Le son de New World Sound, ça va débarquer. Il y aura aussi Lady Gaga, Do What You Want. Et celui qui a démonté tout le Star Floor il y a deux semaines, Redfoo, Let's Get Ridiculous. Voilà, ce sera donc à écouter tout à l'heure. Et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Ça fonctionne aussi sur le Facebook. Vous venez nous rejoindre également à hein, facebook.com/Mickaël officiel. Et puis sur le Twitter aussi, vous m'ajoutez si vous voulez. Si vous êtes pas encore, si vous suivez pas encore l'émission, si vous m'ajoutez, je vous suivrai également. Donc on se suivra mutuellement. Vous tapez Mickaël underscore, c'est le petit tir en bas, officiel. Mickaël underscore officiel. N'hésitez pas évidemment de m'ajouter hein, sur le Twitter, pareil sur le Facebook, sur Instagram également aussi hein. Et puis SMS. Et nous allons récupérer Grégoire avant de faire l'appel au juge d'application des peines. Eh oui. Alors Grégoire, on remet un coup la colle avant de donner la réponse à minuit 30 pour gagner l'iPad Air. Oui. Alors, et dis donc tu peux avoir encore un peu moins la patate là? Quoi? Tu peux avoir encore un petit peu moins la patate? Non, mais je suis fatigué là. Ah, bah oui, mais ouais, bah dis donc, moi aussi. Est-ce que nous, on est fatigués, nous? C'est ça, ouais. Bon, allez, vas-y, fais péter la colle, Greg. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Très bien, dans un quart d'heure, on donne la réponse, Greg, tu pourras dormir. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Il vous en faut, c'est un indice. Si vous voulez gagner ce soir ou si vous voulez gagner n'importe quoi dans l'absolu, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Le jambon. Le jambon, est-ce que c'est ça, Grégoire? Non. Ah, parce qu'il ne faut pas du jambon pour gagner, bien entendu. Si. Ah non, non, non, pas ah là, bon non. Bon, et si vous avez la bonne réponse aussi, si vous voulez la lire aussi, parce que parfois c'est plus facile en lisant la colle, elle est disponible et vous pouvez y répondre sur le Facebook, et là c'est gratuit, facebook.com/mickaëlofficiel. Donc je répète, il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Voilà, si vous avez la bonne réponse, allez-y, good luck, et on donne la réponse avant minuit 30. Greg, tu restes encore avec nous un petit quart d'heure? Ah si, il s'endort pas. Oui, si tu t'endors pas, ce qui n'est pas gagné. On va également continuer à parler des fantasmes avec Stéphanie, avec Pierre également. On va prendre Bill. Et puis, je vous l'avais promis, on va appeler le juge d'application des peines. Alors, vous vous souvenez, hier, on avait appelé avec Toff pour lui poser une question. On est tombé sur lui par hasard. C'est quelqu'un, un des auditeurs qui avait envoyé ce numéro sur le mail de Toff pour appeler des gens entre 23h et 2h pour leur poser toutes les questions possibles, inimaginables. Et donc, il nous avait pris de haut. C'est genre, oui, je suis juge, ça ne fait pas. Parler de moi. Oui, vous allez entendre parler de moi, ça ne se terminera pas comme ça, blablabla. Et donc du coup, bah il nous avait dit à la fin, bah, rappelez-moi demain, vous verrez.

Non mais le flic, oui je parie pour vous madame. Ah bah ouais. C'était bon ça. J'ai beaucoup d'appels hein. Ah ouais. Allez, New World Sound maintenant, The Flute sur Fun Radio, bienvenue. Le son de New World Sound sur Fun Radio avec The Flute, son que vous nous avez fait découvrir il y a d'ailleurs 2 semaines. Il y a Pascal qui est encore en train de mourir de rire avec l'appel de Toff. Ah ouais, c'est bon, il y a Laurie qui a pleuré de rire, là j'en peux plus. Tu vois le guignol, tu te fais niquer comme un âne. Mais oui, c'est pire, c'est que là tu peux vraiment dire c'est celui qui dit qui est. Tu vois, c'est pareil. Alexis, ramenez votre femme, pété de rire. Le Bœuf Ferré qui dit après le juge est une femme, le juge est une folle. Alexou qui dit oui, je veux aussi New World Sound avec The Flute. Là bah voilà, tiens, on vient de le mettre à l'instant. Et Steven qui dit vous êtes des ouf, un jour un type a pété un câble, en tout cas vous êtes trop fort. Et Angelina qui dit oh mon dieu, je viens de me rendre compte que moi et Toff on a un point commun, c'est qu'on aime tous les deux la radio. Oui, bah tu vois, c'est déjà pas mal hein, ça fait un point commun comme ça vite fait, la cool. Et Titi qui dit coucou, c'est quoi l'adresse sur Twitter? Bah c'est MIKL _, donc le petit tiret en bas, MIKL _ officiel. Si vous voulez venir m'ajouter, bah n'hésitez pas, moi aussi je vous ajouterai évidemment avec grand plaisir. Il y en a plein qui envoient les messages aussi là en disant qu'ils seront avec nous à Montpellier. C'est Xavier qui dit samedi à Montpellier, ok on sera là. Et ben parfait, on vous attend nombreux, on sera là vendredi, samedi et dimanche. Et on fera l'émission avec vous en direct, hein, dimanche soir 20h minuit dans les studios de Fun Radio Méditerranée. C'est sur la place de la Comédie, donc on vous attend nombreux et on vous mettra toutes les infos au fur et à mesure sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Donc n'hésitez pas à prévenir vos potes et tout ça. Bon, la colle avec Grégoire en speed. Une dernière fois avant de donner la réponse, Grégoire. Ouais. Allez, c'est parti, on y va, répète la colle. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer, qui suis-je? Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer, qui suis-je? Non, c'est pas le juge d'application des peines? Non, c'est pas ça malheureusement. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez MIKL, les 4 lettres, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Sans oublier aussi bien sûr sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. On donne la réponse dans 5 minutes, tu restes avec nous Greg? Grégoire, ouais, c'est ça. Ne bouge pas de là et puis on va récupérer Stéphanie hein. Steph, toujours là? Ouais, je suis là. Très bien, tu regardes souvent la télé toi ou pas? Oui, régulièrement. Ouais, de temps en temps. C'est quoi ton émission préférée? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Parce que là, il y a Nagui qui découvre une nouvelle ville avec un nom très sympa. C'est grand comment, chat? 500 habitants. 500. Il rentre à 500 dans chat. Oui. Eh oui. Il y a un bus qui passe dans chat. Non. Non. Mais j'ai des amis suisses. Est-ce qu'il y a un train qui passe dans chat? Non. Non. Il y a un petit train ferroviaire. Ah, il y a un petit train. Il y a un petit train. Très connu. Donc il y a l'arrêt de chat, forcément. Ah oui, l'arrêt de chat, bien entendu, évidemment. Et puis après, sinon, il y avait aussi Nabila qui nous a encore inventé un personnage historique. Alors, je vous le mets parce qu'il y a tellement peu de gens qui regardent que vous avez certainement raté l'émission. Tu prends le métro, tu vas pas prendre des habitudes de je ne sais qui. Je ne sais qui quoi. T'es pas Madame de Rousselvec, là, ouais, je sais pas qui. Madame de Rousselvec, voilà. Hein, de Rousselvrec, voilà. Et puis au JT de TF1, ils ont la preuve qu'en France, les gens ont du mal à comprendre. Sandro, 8 x 8 48. Est-ce que vous savez combien ça fait 8 x 8? 36. Voilà. Ah bah 36. Oui, bien, c'est bien 36. 36. Ah oui, bien sûr, voilà. Donc c'est les. Voilà, la France sait compter. Ah, et c'est le principal. Oui. C'est bon de le savoir. Pizarre, on a bien vu le résultat. Ah bah oui, complètement, ouais. Bon, alors Stéphanie. Oui. Pour parler de choses sérieuses, parlons fantasme. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Explique-moi tout. Bah en fait, comme j'ai vu que Déborah s'est passée tout à l'heure, c'était son trip quoi, de faire un ménage à trois. Oui. Voilà. Et en fait, bah moi je voulais parler des miens. Ah. Et il y en a quelques-uns que j'ai fait, il n'y en a qu'un seul qui me manque. Ah c'est quoi? Donc voilà. Je suis là. C'est quoi celui qui te manque? De faire l'amour sous la neige en fait. Parfait. Sous la neige. Ah ouais. Oui. Parfait, j'ai un igloo. Oui, c'est ça. Ils vont en faire un. Mais sous la neige, mais dans effectivement genre un hôtel de neige, tu vois, genre il y a dans au pôle Nord là. Non, carrément en plein air en fait. Genre, en plein air, dans la neige quoi. Ouais, carrément. Bon, l'avantage c'est que tout devient ferme hein, quand ouais. il fait ah et quand il fait bien froid. Mais pourquoi la neige? Ben je sais pas justement, enfin j'aime bien le froid, j'aime tout ce qui est froid donc. On peut vérifier si elle est bien ferme. Combien mesures-tu? 1m70. Combien pèses-tu? 75 kilos. Quel est ton tour de poitrine? J'ai 110 C. Quoi? Oh là là. Quoi? C'est comme c'est énorme. Et la taille, ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, il y a moyen de bien se tenir chaud. C'est ça. Bon, ah oui. Et du coup, donc t'as trouvé personne pour faire ça dans la neige avec toi? Mais écoute, je suis disponible, hein, on peut faire fondre la neige à deux. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, mais très bien, attends, et pourquoi pas, hein. Et donc, c'est ton fantasme. Il y en a d'autres ou tu restes dans celui-là, là? Bah, je sais pas si pour remplir ça un fantasme, si, enfin, de faire l'amour au cimetière, enfin, je... Ah non, sans moi, je laisse ça. Ah ouais, non, moi non plus, je laisse. Je passe mon tour. Ah, dans un cimetière, c'est glauque, là, pourquoi faire? Bah, on peut faire plein de choses. Ah ouais? Ah non, t'es mort. Ouais. Non, c'est dégueulasse, c'est plein de bêtes et tout, non. Ah ouais, non, bah, ah non, c'est pas dégueulasse, non. Ah si. Ah si, le cimetière, dans les cimetières américains, c'est classe, hein. Tout non, est bien rangé. Non mais c'est pareil, c'est crado, il y a des bêtes qui courent partout et tout. Non. Bah c'est pas, il y a pas plus de bêtes qui courent que quand tu fais ça dans un bois. C'est quoi, ou non, à part ça, il y a plein de morts. Voilà, oui, mais c'est ça, aussi, mais c'est même ça, pas c'est... tant les bêtes, c'est même pas tant les bêtes le problème. Non mais c'est vrai, c'est... Ah si. C'est non mais justement, en cimetière, on flippe, tu vois, on a l'adrénaline qui monte, donc c'est ça. En flip. Ah, j'ai envie en slip. Ah oui, en speed plutôt, ouais, d'accord. Non mais pourquoi pas, écoute. Si, ça peut être un fantasme. T'as le rat qui aura bouffé grand-papy et après il passe à côté de toi. Merci, t'enseignes. Moi je veux bien te prendre dans le métro. Devant tout le monde. Ah bah ouais, moi je suis comme ça, moi je veux pas, moi. Il en a rien à foutre, ça fait tellement longtemps qu'il a plus essayé que du coup c'est n'importe où, hein, c'est pas grave. Hein. Là on prend l'avion, si vous voulez venir avec nous à Montpellier, là, dans l'avion, pas de problème. Je démonte. Voilà, sans problème. Il y a moyen que Polo vous déboîte sur tous les sièges. Ok, y a pas de soucis alors. Voilà, c'est ça, dans la cabine de pilotage. polo@funradio.fr. N'hésite pas. Bon, il y a Pierre également là qui appelle de Pau là. Salut Pierre. Salut, bonsoir. Ça va, et vous? Bah oui, très bien, Pierre. Tu veux te faire démonter dans l'avion par Polo toi aussi? Voilà, oui, Pierre, tu veux aussi. Aussi bien. Tu veux aussi coucher avec Polo là, non ou pas? Ouais. Je te démonte. Même Gollum, je le démonte là, je suis tellement en chien en ce moment. Ah ouais, Gollum. Ah ouais, Gollum, le Mordor, tout, je passe tout là. Ah, il est au taquet surtout, ouais. Les trolls et tout, je les encule. Exactement. Oh, merci, grande classe. Bon, du coup, Pierre, c'est quoi ton fantasme, toi? Moi, je voulais parler d'un fantasme que beaucoup de gens, en fait, bon, c'est un petit fantasme que beaucoup de gens, sûrement, mais qui est un peu difficile à réaliser. Et enfin, il y a la possibilité de le faire, c'est de se faire filmer et d'être après diffusé sur Internet. Et c'est vrai que ça fait drôle après quand on se voit. Bah oui, quand on se regarde. Ce qui est très drôle, c'est quand tout le monde te voit. Mais oui. Voilà, mais c'est ça, tu peux te dire que ta famille peut te voir, tes amis, et après, voilà. Ah, c'est comme... kiffer, donc. Ah ouais, toi, tu découvres ça, et c'est marrant. Et moi, j'ai découvert ça, parce que, bon, je matais le site qu'on m'a donné, et je matais vite fait comme ça. Et il se trouve qu'en fait, j'ai retrouvé dessus un visage très familier. C'était le vendeur de chez Micromania qui me vend mes jeux, en fait, toutes les semaines. Et après, de fil en aiguille, mais finalement, bientôt, je vais être sur le site. À quoi, donc tu vas... Voilà. Tu vas être sur un site où on pourra te regarder. Ouais, voilà, ouais. T'as tourné ta petite vidéo. Ah ouais. Je vais me faire filmer, ouais, parce que c'est une sorte de fantasme. Après, voilà, ça peut être kiffant. Après, c'est sûr que je pense que ça doit être délire quand même de se voir, de dire, ou même si t'as une nouvelle meuf après par la suite, tu veux dire, bah tiens, voilà, tu veux te voir ce que je vaux, ben regarde. Ah bah oui, oh là là, ça va être hyper vendeur, ça. Ah ouais, franchement, oui, ouais. Mais c'est particulier, Pierre. Hein, pourquoi? Et toi, ça te brancherait ou pas, toi, Steph? Ça dépend. De te faire filmer. De me faire filmer, pourquoi pas. Et après on regarde en famille. Oh, quelle horreur. Oh non, par contre ça non. Regarde, il y a un bon film sur Canal là ce soir là, sur XXL. Ah oui, pas mal. Il y a Let's Be Flux qui dit comment il est en chien, Polo là. Oui, complètement. Crystal qui dit moi mon fantasme j'aimerais bien le faire dans un bus. Let's Be Flux qui dit ça me dirait bien moi dans un cimetière. Bah pourquoi pas. Kevin qui dit tof, t'as géré là, je te kiffe. Et Alexou qui dit putain je me remets pas de cet appel là, je suis trop plié encore, ça fait 3 jours que je vous écoute. Mais j'ai jamais autant rigolé, continuez comme ça, bisous, c'est Romu. Bah merci beaucoup Romu pour le message. Message également qui dit ah oui, il y a Césaire aussi qui dit tu veux savoir si je suce bien? Oui, je suce bien. Si mon mari me nique bien? Oui, il me nique bien. Pété de rire, j'en peux plus. Ça c'était par rapport à l'appel de Toff à quelques minutes. Benoît qui dit moi mon fantasme ce serait dans un club libertin. Et Directionneur aussi qui dit mort de rire sous la neige, bonne chance. Bon, c'est faisable hein, sous la neige, c'est même facile. Après ça dure pas longtemps hein, ça c'est sûr hein. Ah non mais enfin je suis bien contente. Mais bon après faut trouver le mec qui tient quoi, c'est moi. Pas évident. Non mais c'est... Il y a le Viagra, hein. Il y a le... Ouais, donc ça veut dire que le mec en fait il peut se geler les pieds mais pas toi en fait, parce que forcément donc lui il sera assez musclé pour te tenir en l'air. Donc en fait au final le fantasme de la neige c'est juste d'être dehors pendant qu'il neige parce que tu toucheras pas la neige. Si, bah si, il faut bien toucher la neige, sinon c'est pas drôle. Parce que si à un moment il te... Tu sais, tu l'as sur... c'est-à-dire que lui est debout et lui te soulève ouais. pour la pénétration. Si à un moment il te dit il dit attends, on va faire le missionnaire. Là j'en connais une qui va beaucoup moins rigoler. Ah là. Ouais. Hein? Non mais enfin moi ça me dérange pas. Ah toi ça te dérange pas, parce que tu vas quand même avoir bien. Là pour le coup tu vas avoir froid au cul hein. Bah oui mais c'est justement le fait d'avoir froid en fait. D'être concentré, d'avoir froid en même temps. Et que du coup ça tienne pas très longtemps quoi, parce qu'au final c'est ça hein. Tu viens à la radio, je te mets la tête dans notre frigo. Ouais c'est ça, on a un frigo si tu veux. J'ai l'impression d'être dans le frigo et puis je te bourre par. Oh Polo putain, je le vois ta tête dans le frigo, c'est bon ça. Non on dirait taf. T'es sérieux là? Attends, attends, il y a la chambre froide à la cantine. Ah oui, on a une chambre froide. Ah oui c'est vrai ouais. Alors? Alors Steph? Dans une chambre froide, ouais, pourquoi pas. Ah tu vois, ça va aussi la chambre. Il n'y a pas de neige hein, mais il fait froid. Il y a Ced 5895 qui dit moi mon fantasme c'est sur la machine à laver. Il y a OCB énorme tof en mode fou rire j'en pleure là, vous m'avez tué tout à l'heure. Théo également mort de rire avec le jab, vous m'avez tué de rire pour le coup, je suis plié en deux, énorme, faut encore les appeler. Ouais mais on va les laisser un peu respirer là, ouais. Parce que je pense qu'ils vont se mettre une balle si on continue. Il y a Alexo qui dit dans un cimetière, moi ça me dérange pas si la meuf est déguisée en zombie. Oh l'horreur, c'est un truc de dingue. Et Gérald qui dit rappelez Toffet là pour l'anniversaire de Gilou. Ah oui c'est demain l'anniversaire de Gilou. Et alors encore un message du Prince India qui dit cet appel était vraiment le meilleur appel de Toff, même si tous les autres sont magnifiques, celui-là c'était quand même particulièrement réussi. Et alors salut, j'ai déjà essayé une meuf moi et un pote, c'était bien, mais à faire au moins une fois dans la vie. Par contre avec deux meufs oui je kifferais. Oh non, moi je ferais pas avec deux mecs hein. Oh oh quel horreur. Déjà que je trouve, déjà que je trouve qu'un mec c'est quand même laid. C'est très laid. Non mais c'est vrai. Bon après c'est parce que je suis un mec et que je suis pas gay, mais je trouve ça moche le corps. Ouais mais t'as la meuf au milieu, tu le vois pas. Ah je trouve ça moche. Et Fabien qui dit le proverbe va être accompli, le mec va se geler les couilles. Ouais ça c'est sûr hein. Et alors Olivier qui dit merci Jackie et Michel, lol. Ah bah tu devrais essayer tiens pourquoi pas. Pierre. Oui. Jackie et Michel. Mais c'est de ça que je vous parle hein, de Jackie et Michel TV. Tu fais donc Jackie et Michel. Ok. Mais oui. Mais oui voilà, voilà. D'accord, ok, non mais très bien, alors ça, comme ça. Je voulais proposer, ouais, je voulais proposer à la nana de tout à l'heure, mais je sais pas si elle est là encore. Déborah enfin, ouais, voilà, ouais, ah là, non, Déborah, on l'a plus, mais... là. Mais si, ah, elle, si elle nous écoute, qu'elle nous rappelle, sinon, parce qu'on, je sais pas si on a encore son numéro. Éventuellement, si elle veut faire une petite vidéo ou quoi, on pourrait se retrouver et faire passer sur Jacques. Non, t'as bien en fait, que moi je veux plus, c'est ça. Ah oui, c'est ça, t'as pas envie Stéphanie, toi. Bah, si, pourquoi pas, mais comme ça, on peut faire un plan à trois. Ah bah, t'as bien faire, bah attends. Bah alors bouge pas, bouge pas, on va l'appeler dans quelques minutes, on a retrouvé son numéro de téléphone à Déborah là, reste avec nous Steph et Pierre là, reste avec nous. On va prendre Eric qui voulait aussi réagir et qui lui l'a déjà fait dans un cimetière Stéphanie, on en parle dans quelques minutes. Oh la folie. Et on va faire le gagnant également, on est un petit peu à la bourre comme d'habitude, vous connaissez le principe maintenant. Hein. On fait le gagnant de l'iPad Air dans quelques minutes, ce qui veut dire qu'il vous reste encore 4 minutes pour vous inscrire, facebook.com/mikaelofficiel. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Il vous en faut pour gagner ce soir. Et vous pouvez aussi répondre par SMS en envoyant Mikael. Il est minuit 40, c'est Mikael No Limit, la nuit sans pub sur Fun Radio. Lady Gaga sur Fun Radio avec Do What You Want. Mikael No Limit. Tous les soirs, 23h-2h, sur Fun Radio. Et il est minuit 44, on est toujours au cœur de la nuit sans pub, à la cool, avec à suivre le son de Macklemore. Ce sera White Wall, je vous cale aussi le son de Redfoo. Let's Get Ridiculous. Et il y aura évidemment Muttonheads avec Dancing With The Stars. Et puis c'est Avicii qui va débarquer aussi dans quelques minutes. Donc si vous voulez choisir un son encore ce soir, hashtag Mikael, hein, n'hésitez pas. Il y a Directionnaire aussi qui dit moi mon fantasme c'est dans un train, ça doit trop bouger. Il y a Denis également, Gilou le meilleur qu'on a eu tout à l'heure, meilleur énorme, on le récupérera demain, c'est son anniversaire. Julien à la Skinkin qui dit il est dégueulasse la turbine à cacao. Et Angelina qui dit c'est un psychopathe de Gilou que vous avez eu tout à l'heure là, au secours. Bon, est-ce qu'on fait un petit top sur le topo sur le top Twittos? Mais bien sûr. Puisqu'on donnera le résultat final à 2h. Je rappelle qu'on offre le sextoy au quatrième, celui qui sera quatrième, non deuxième, deuxième, deuxième, enfin, deuxième, c'est ça. Celui qui sera deuxième ce soir repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà. Bon alors si on arrêtait tout maintenant, qui gagnerait le sextoy et quel serait le classement numéro 5? Alors numéro 5 ce serait Né Roger. Numéro 4. Ce serait Fred S. Numéro 3. Ce serait mon ami Quinquin. Quinquin. Numéro 2. Le prince Nadia. Qui gagnerait son sextoy. Et numéro 1. Let's be free. Qui est de retour en force, comme vous pouvez le remarquer. D'ailleurs, c'est à cause d'elle qu'on a changé, qu'on fait plus, que c'est plus toujours le numéro 1 qui gagne. Parce que comme elle est souvent numéro 1, elle allait se retrouver avec un... Elle en a 50 déjà. Ouais, ouais, c'est ça. Elle allait se retrouver avec un, avec une boutique, quoi. Vous l'avouez, bah, c'est ça. C'est ça, en fait. Alors, elle aurait pu faire passage du désir, mais chez elle. Ouais, exactement, ouais. Bon, allez, on fait encore un petit appel avant de reparler avec Pierre, avec Stéphanie de des fantasmes, avec Déborah qu'on va essayer de rappeler et Eric. On avait appelé le juge d'application des peines pour... Enfin, on savait pas que c'était un juge d'application des peines, évidemment. À l'époque. Et voilà, on savait pas. Et donc, du coup, on l'avait appelé pour voir s'il avait déjà testé l'anulingus. Oui, voilà, et il a beaucoup aimé. Mais ici, il y a une blogueuse qui a mis les 50 trucs à faire sexuellement avant de mourir, dont l'anulingus, a priori. Hein. Donc, moi, personnellement, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout, l'anulingus, personnellement. Et il y a quelqu'un qui disait, ouais, si, il faut essayer Mickaël avec deux mecs. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais, je peux pas. Après, voilà, il y en a qui aiment bien, tant mieux. Ouais, mais moi, bonne, je pourrais pas. Une bonne double. Non. Déjà, il plante 3 dans l'absolu, ça me branche pas plus que ça. Putain, mais s'il fallait, si j'étais obligé de le faire, j'en ferais avec deux meufs. Mais pas avec deux mecs. Ah, oh là, oui. Quelle angoisse. Oh là là, quelle horreur. Oh là là. Bon, allez, on appelle quelqu'un maintenant pour voir si ils connaissent l'anulingus, ils le pratiquent ou pas, quoi. Allez, voilà, allons-y. Merci pour les numéros que vous avez envoyés, hein, comme d'habitude, en masse sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et on appelle tout le monde ce soir. Enfin, tout le monde. Donc, on appelle une partie ce soir. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait un anulingus. C'est quel appareil ? Moi, c'est Tof. C'est qui Tof ? Bah c'est moi monsieur. Et pourquoi vous posez cette question ? Bah pour savoir monsieur. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ah bah rien, c'est juste pour savoir. Attends, tu te fous de ma gueule là, attends. Non non, pas du tout monsieur, moi je veux juste savoir si vous aviez déjà fait un anulingus, c'est tout. Vas-y, fais enculé. Je vois pas le rapport monsieur. Il est raccroché. Bon, on rappelle. Petit va te faire enculer. Ouais. Pas super sympathique. C'est un petit là. Ouais. Allez, hop, c'est reparti. On remet le couvert. On rappelle maintenant là. Oui. Allô. Oui, je m'excuse, monsieur, mais je crois qu'on s'est pas bien compris. Toi, tu comprends pas français ou quoi ? Bah, si. Mais vous avez l'air d'avoir du mal, parce que je vous demande juste si vous êtes déjà fait lécher le cul pendant que vous faisiez l'amour. Edouard. Bah moi jamais monsieur. Bah va te faire enculer, arrête de m'appeler putain. Mais ça répond pas à ma question ça monsieur. Ah bah il a nouveau raccroché donc ça va pas répondre, bah, on va le rappeler encore un coup hein. Allez hop c'est reparti, retour chez ce monsieur là qui aime bien enculer bah. Il décroche plus même. Ouais putain. Oui je m'excuse monsieur mais pourquoi vous voulez pas répondre à ma question ? Va te faire enculer, tu comprends ou quoi ? Bah oui, je comprends, mais ça n'a pas de rapport avec la question. Vas-y, nique ta mère. Mais je vois pas le rapport avec ma mère, monsieur. Bon, on le rappelle encore un coup, là. Allez, une dernière. Ah, une dernière, alors. Tof, il est super moche, mais il est drôle, quoi. Oui, oui. Ouais. Mais il s'excuse toujours, c'est le principal. Attention, ah oui. C'est reparti, on y retourne. Hey, tu sais quoi, tu vois ? Je te trouve, je te pète les dents, tu comprends ? Oui, mais je vois pas le rapport avec ma mère. Mais je parle pas de ta mère, putain. Mais si, vous avez parlé de ma mère tout à l'heure. J'ai dit nique ta mère, bah j'ai dit nique ta mère, tu comprends ? Bah oui, je comprends, mais je vois pas le rapport avec la question. Vas-y, là, c'est enculard de m'appeler, putain, là tu sautes, tu vois. Bah oui, mais c'est vous qui répondez pas à la question, monsieur. Oh putain ! Allez, encore une, c'est la dernière. Allez. Après j'arrête. Après promis, on arrête, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Allez. On se refait, on se rappelle encore un petit coup le monsieur, là, il était tellement gentil. Mais il a un truc avec ta... Ouais, t'habites où ? Bah moi j'habite Paris monsieur, mais ça répond pas à ma question. Vas-y, pourquoi tu m'appelles en inconnu déjà ? Bah parce que c'est bloqué dans le téléphone monsieur, mais si vous voulez je vous donne le numéro, vous me rappelez. Bah vas-y. Alors 01 40 ouais. 42 ouais. 48 ouais. 50 ouais. 00. Bah écoute, c'est quoi, je vais te retrouver toi, fils de pute. Bah d'accord, mais vous voulez pas répondre à la question avant ? Mais va te faire enculer putain de m'appeler, tu comprends ou quoi ? Oui, je comprends, mais vous répondez chaque fois à côté de la question, alors moi je suis obligé de vous rappeler, monsieur. Vas-y, va t'enculer, sale pédé, va. Ah, j'avais dit qu'on arrêtait, c'est bon, on arrête. C'est bon, on en fera d'autres tout à l'heure, si vous voulez, c'est pas un problème. Si vous avez des numéros encore à nous donner, n'hésitez pas sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Il y a la réponse également à la colle, sinon il va s'endormir pour le coup, là, Grégoire, là, qui est déjà fatigué tout à l'heure. Grégoire qui avait posé la question, Grégoire de Toulouse, il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer qui suis-je. C'est parti, on y va, Greg, t'es encore là? Ouais. Allez, on appelle le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle décroche et a la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne. Je te souhaite bonne chance. Merci. Oh, la mollesse. Allô? Oui, allô? Ouh là là, bonjour, comment tu t'appelles? Ouais, David. Ouais, David, comment ça va, David? Très très bien. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, David. Je t'appelle parce qu'il y a Grégoire qui a une colle à te poser. Ouais, y'a pas de problème, Mickaël, vas-y. Allez, vas-y, Greg. Il faut toujours me mettre de son côté et toujours m'espérer. Qui suis-je? Bah, à mon avis, c'est que la chance, ça. Ouais. Eh ben, ouais, ouais, ouais. Ah bah voilà, bravo David, l'iPad Air est pour toi. Et du coup, Grégoire, la putain, t'as été resté de bouche qu'à ce temps-ci pour rien, là. Quelle angoisse. Oh zut. Merci Grégoire. Ah, quel enculé. Ouais, bon, et bah Grégoire, on va quand même te filer un pack fun, hein, comme ça t'auras pas attendu pour rien. D'accord? Ok. Bon, allez, salut Greg, va faire dodo, là. Salut Greg, je te repasse Sandro, là. Et puis, bah bravo à toi David, hein, l'iPad Air est pour toi, félicitations. Bah merci bien Mickaël et Toff, Polo et Sandro. Ah non, mais eux n'ont rien à voir là-dedans, hein. C'est moi qui offre l'iPad Air, hein. Eux c'est les enculés, hein, t'inquiète pas, hein. Ah ouais. C'est bien, je comprends, sur toi il n'y a pas de problème. Ah bah voilà, non mais il faut dire les choses. Bon bah salut à toi en tout cas, David, et reste avec nous sur Fun Radio, je te renvoie chez Sandro maintenant, ok? Ouais, je te remercie bien, bonne soirée. Salut, à bientôt, ciao. Et bien on va récupérer Stéphanie là tout de suite, là, qui nous avait appelé pour le fantasme. Son fantasme étant de faire ça dans un cimetière, hein Stéphanie? Oui. Voilà, et il y a Eric qu'on va prendre dans quelques minutes, qui lui a déjà fait ça dans un cimetière. Et il y avait Pierre également, qui lui voulait reparler à Déborah pour tenter de lui proposer un plan avec Jackie et Michel. Ouais. Voilà, donc se filmer, etc. Donc on va la rappeler, j'espère qu'elle va encore décrocher Déborah. Ah bah ouais, hein. On l'a eu tout à l'heure là. Bah ouais, sinon tu peux toujours essayer avec Toff, hein, mais bon. C'est... Ouais, c'est moi glamour. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, on essaie de rappeler la Déborah pour voir. Allô? Allô Déborah? Oui, Mickaël. C'est nouveau Mickaël. Dis-moi, il y a Pierre qui avait besoin de te parler, il voulait te faire une proposition. Une proposition. Indécente. Indécente, bah oui, complètement, okay. Ouais. Alors. Oui. Bah vas-y hein Roger là, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Non mais bon j'essaye de. Voilà bon, en fait je voulais te proposer éventuellement si tu serais disponible pour qu'on fasse une vidéo tous les deux sur Jackie Michel. Est-ce que ça te parle? Non. Tu vois pas du tout, en fait c'est un site en fait un peu libertin où on peut faire des vidéos un peu beaucoup, où on peut faire des vidéos voilà, sexuelles et après être diffusé sur internet. Alors ça peut être un genre de fantasme en fait, moi c'est un de mes fantasmes. Et après voilà, on peut réaliser plusieurs fantasmes dans le truc et c'est sympa quoi, ça peut être cool. D'accord. Elle a pas l'air plus ouverte que ça, hein. Non, mais c'est timide au début, ouais, c'est sûr, mais... on est timide au début, mais après. Ah ouais, voilà, c'est marrant parce qu'elle a pas été timide pour me proposer un plan à 3 avec une copine à elle, hein. Ah ouais, là on rentre dans le réel. J'ai vu tes photos, Mickaël. De quoi? J'ai vu tes photos à toi, Mickaël. Mais c'est gentil, Déborah. Bon, mais du coup, peut-être que Pierre est bien aussi, hein. Je ne sais pas. Bah oui, non, mais bien sûr, mais. Voilà. On sait jamais. Donc elle n'est pas complètement fermée, quoi, Pierre. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas fermée. Après, la porte est ouverte, il n'y a pas que la porte. Mais. Dis donc, je ne te permets pas. Bah, dis donc, c'était. Hey, je l'ai dit classe, de manière classeuse. Mais je sais, hein. Voilà, pas comme Polo. Hey, je vais te bourrer, moi. Je vais te bourrer. C'est pas moi, c'est Toff qui prend ma voix. Et c'est ça, ouais. Est-ce ça que la porte de la cave est ouverte aussi? Oh, tu vois, moi. Ah, je la suis cave, classe. J'ai déjà fait, Polo. Non, non, mais c'était pas cette cave-là, c'était le chemin bois. Enfin, bref. Enfin, il veut savoir si tu as déjà pratiqué l'anulingus, quoi. Ah non. Ah jamais. Et on te l'a pratiqué ou pas? Oh mais vous avez fait question, vous avez pu savoir ma vie sexuelle, les gars. Dis donc Déborah, c'est comme toi qui a lancé le sujet, hein, si je ne m'abuse, tout à l'heure là. De l'anulagus. C'est toi qui as voulu qu'on appelle les gens pour leur poser des questions et mademoiselle ne veut pas répondre. Si c'est bon, oui. Ah voilà, donc tu t'es déjà fait ramener les fesses. Oh dis donc oui. Voilà. J'avais dit, c'était la grande classe. Une petite anecdote. Vas-y Pierre. Ouais, moi par rapport à la nulingus, bon, j'ai déjà pratiqué ça sur ma copine, mais c'est vrai que c'est il y a un ça, petit truc un peu dégueulasse, c'est ouais. Quand tu mélanges la nulingus et qu'en même temps il y a un petit peu. Non, je veux pas savoir, Pierre. Ça ira très très bien. Non, je veux pas savoir, ça ira très bien comme ça, Pierre. Merci pour cette petite anecdote. Si je puis me permettre, je pense qu'avant de pratiquer la nulingus, faut nettoyer un petit peu. Oui, quand même. Bah, c'est très bien. Voilà. Bon, Anne-Sophie qui est avec nous également de Lille. Salut la Lilloise. Anne-Sophie. On a perdu, faut la réanimer. Anne-So, sortons la machine. Ouais, faut sortir la machine. Anne-So. Attends, je lui fais un bouche à bouche. On a perdu Anne-So, dis donc. Bon, c'est pas grave. Attends, je fais un massage cardiaque. Vas-y. Bah, très bien, parfait. Bah, faut qu'on fasse un toucher rectal ou pas? Bah, non, attends, ça ira. Bon, en attendant, on va récupérer Eric. Eric. Oui. Bon, très bien. Alors toi, t'es là parce que tu voulais réagir à Stéphanie. Elle a dit que son fantasme, c'était de faire l'amour dans la neige, certes, et aussi de faire l'amour dans un cimetière. Et toi, tu l'as déjà fait. Alors moi, le cimetière, j'étais pas plus chaud que ça parce que, bah, parce que c'est un cimetière, quoi, en fait. Hein. Ouais, ça fait un peu bizarre, c'est sûr. Mais... Bah, c'est ça, un peu. Ouais. Ouais. C'est pas mal, mais il faut juste faire gaffe à un truc. C'est les vigiles qui dorment, en fait. Les vigiles, oui, parce qu'en règle générale, ceux qui habitent là sont plutôt cool. Ils sont pas regardants sur le bruit. Voilà, c'est bien. C'est des voisins qui sont pas chiants, quoi. Voilà. Bah, disons qu'ils sont calmes, on va dire. Ouais, exactement. Mais... Ouais, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Bon, sinon, on peut aussi s'arranger pour faire avec le vigile du cimetière. Oh. Ah bah, tant qu'à faire, hein, une pierre deux coups. Allez, hop, un petit peu. Oui. Enfin, une pierre trois coups. On les prévient avant, quoi. Bah voilà, c'est ça. Il y a les Spielflux, si je propose qu'on se cotise pour acheter une poupée gonflable à Polo. Ouais, ça peut être une idée. Tiens, et Mathieu qui dit Polo a des expressions de ouf. Et Alicia également, vous êtes des ouf. Daniel sur le Facebook qui dit moi mon fantasme ce serait de le faire dans l'espace en apesanteur. Imaginez-moi avec deux filles, vive le cumshot. Ah ouais, ça doit être énorme ça. Ah ouais, il y a Denis qui dit avec vous c'est que du bonheur, vous me faites marrer. Bah tant mieux, on est là pour ça. Et puis tant mieux si vous écoutez. Giovanni aussi, il est chaud le Gilou là, faut qu'elle fasse attention là, Déborah. Oui, ça c'était tout à l'heure quand on avait eu Gilou au téléphone. Bon, du coup, t'as pensé quoi toi Eric dans le cimetière? Ah bah, il y a un côté excitant quand même. Non, bah, bien sûr, ok, il y a un côté excitant, mais dans d'accord. Un cimetière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as lancé ou c'est la fille qui voulait faire ça dans un cimetière? Non, c'est la fille qui a lancé. C'est vrai qu'au début, l'idée, c'est bizarre, mais une fois qu'on passe le point, franchement, c'est pas mal. Bon. Ok, pourquoi pas, mais... Mais toi, t'as été fermé au début quand elle t'a proposé. De quoi? Et toi, t'étais fermé quand elle t'a proposé. Fermé, bah oui, c'est vrai que ça m'a fait bizarre, mais à force, elle a trouvé les bons arguments et c'est vrai que c'était pas mal. C'était quoi qui était pas mal? Bah, il y a le petit côté interdit, on va dire. Ouais, d'accord, mais bon. Ouais, d'accord, mais ça après, tu peux faire dans plein d'endroits qui sont interdits sans pour autant aller dans un cimetière, quoi. Sur le bureau de Polo, c'est interdit. Et tu vois, personne c'est... fait ça sur mon bureau, je le tue. Tu vois, c'est pareil. Je pense limite c'est plus dangereux et plus risqué sur le bureau de Polo. Mais là, c'est le summum. Quoi. Enfin, c'est l'interdit. C'est un cimetière. C'est normalement c'est un endroit qui est paisible, qui est calme. Oui, c'est paisible. Il y a un truc en plus qui s'y passe, quoi. Ouais, et puis t'as les feux follets, les émanations qui ressortent des tombes et tout. C'est vachement bien. Oh. Ouais, voilà, on sait jamais. Mais vous êtes bizarre, hein. Ouais, mais grave, ils sont ouf. Ah, complètement. Dans un cercueil aussi. C'est-à-dire que je pense que je suis prêt à le faire à peu près partout sauf un cimetière. Moi moyen quoi. Il y a Roger aussi qui dit vidéo à Nulingus dans un cimetière en essuyage de cheveux après. Pour Polo il va kiffer. Il y a Benji qui dit Gilou l'homme qui bande plus vite que son ombre quand ça parle de cul. Et Ludo également, je vous adore. On passe de bons moments avec vous, vous êtes les meilleurs, continuez comme ça. Une dédiée à tous les auditeurs et à Mickaël. Merci beaucoup. On sera là également le 24 décembre pour Noël. Hein. Je vous le rappelle au passage. On sera les seuls à être en direct avec vous. Donc cherchez pas sur les autres radios, ils vous auront tous laissé comme des chiens. Pour passer Noël en famille, comme nous, bah, c'est la famille, on passe Noël avec vous. Exactement, donc si vous avez prévu de passer Noël avec des amis ou avec la famille, bah, laissez une radio dans un coin là qu'on passe Noël avec vous. Hein. Mais oui. C'est ça, on soit en grande famille, quoi. Ce sera la plus grande famille sur Fun Radio le soir du réveillon de Noël le 24 décembre à partir de 20h jusqu'à je ne sais pas quelle heure, mais en tout cas on sera là. Bon, donc y a Johan également là. Mais c'est dommage, on a perdu la Lilloise. Tant pis. Bon, c'est pas grave. C'est triste. Y a Johan. Moi, je suis toujours là. Ouais, non, mais toi t'es de Reims, toi. T'es pas la Lilloise. C'était. Oui, mais c'est pas grave, je suis là quand même. C'est pas grave, elle c'était est là. C'est Anne-Sophie qu'on avait eue. Ouais. Elle est toute chaude. Mais oui, et puis il y a Stéphanie aussi qui est là. Il y a Johan également qu'on accueille de Nancy là. Salut le Nancéen. Comment ça va, Johan? Ça va et toi? En forme? En forme, comme d'hab. Bon, tant mieux. Bienvenue à toi, le Nancéen. Tu voulais dire quoi, toi, Johan, par rapport à ça, par rapport au fantasme? Et puis, on parlera d'autre chose parce qu'on en parle un peu depuis 2 heures, là. Donc, je sais que c'est un sujet cul et qu'on a tendance à traîner sur les sujets cul, mais bon, là, on va quand même passer à autre chose après. Bon, alors, vas-y, dis-nous, Johan. En fait, moi, plus mon fantasme, ce serait mon fantasme. Non, déjà, ce serait moi, mon fantasme avec toi, ce serait que tu changes de portable. Ça, ce serait bien qu'on puisse mieux te capter, Johan, parce que là, on comprend pas très bien là. Ouais, la personne, mon fantasme, ce serait plus de faire l'amour à la plage la nuit. Sur la plage la nuit. Alors c'est la ouais. Alors moi j'ai déjà fait sur la plage la nuit. Il faut comment dire. Il faut bien viser parce que si tu vises mal et que tu arrives dans le sable, comment te dire que c'est très emmerdant. Ouais, il vaut mieux prévoir une serviette. Hein, on sait il jamais. Vaut mieux prévoir une serviette et surtout que moi je l'avais fait avec capote tout le bordel tout nickel. Et puis c'est je sais pas en sortant je me suis foutu au moment où j'enlève la capote le drame plein de sable c'était juste une horreur hein, après enlever et tout laisse tomber la galère. Ouais, alors que c'est pour ça, à la piscine c'est plus sympa. À la piscine c'est plus pratique. Voilà. Bah oui, complètement, il n'y a pas de sable, normalement en tout cas. Et toi, pourquoi tu l'as pas encore fait, Johan? Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas la plage à Nancy, tu me diras. Bah oui, forcément. Et ce serait ton fantasme, qu'est-ce que t'as d'autre comme fantasme? Que t'as déjà fait par exemple? J'ai que ça pour l'instant. De quoi? Il a fait que ça. J'ai que ça. Ah, tu l'as fait déjà à la plage? Non, j'ai pas fait. Ah, d'accord, mais tu n'as que ça comme fantasme? Ouais pour l'instant. D'accord, non mais très bien. Il y a Alexo qui dit ouais dans un cimetière avec des filles en zombie le kiff. Oh dis donc. Et pour Halloween. Dit... Ah oui pour Halloween. Moi mon fantasme jamais réalisé dans un avion. Je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur endroit pour s'envoyer en l'air. C'est vrai. Ah l'avion j'ai déjà fait, c'est pratique. Enfin c'est pas pratique. Mais c'est original. Mais il faut faire ça sur un vol long courrier où tu voles de nuit de préférence évidemment voilà alors soit t'es tout à fait derrière dans l'avion comme ça t'es pépère soit tu peux éventuellement être devant mais c'est plus compliqué parce que les sièges sont plus larges enfin bon c'est voilà il faut avoir un peu de chance ouais. Faut avoir des voisins qui dorment relativement facilement aussi donc c'est compliqué quoi. Enfin maintenant sur la 380 c'est plus facile t'as des chambres. Mais ça dépend quelle compagnie. Oui, hein, non, mais après. Et puis, comment te dire qu'à mon avis, ça doit pas te coûter un bras, ça doit pas te coûter une couille, ça doit coûter le corps complet hein, de voyager en la 380 dans une chambre. Ah, bah oui, mais bon, après, il faut ce qu'il faut, quoi. Je dis bien. Qui m'appelait, Johan? Oui, je t'écoute, Johan. En fait, tout à l'heure, j'étais dans ma chambre en direct. Ouais. Je vous écoutais tranquillement et j'ai entendu l'appel de taf, c'est pour. Comment ça s'appelle? Pour l'anulingus. Non, voilà. Pour le léchage de cul. Ouais, voilà. Et le bouffage de rose. J'étais explosé de rire quand j'ai entendu ça. Ah, t'as rigolé? Bah, attends. Et nous aussi, hein, cela dit. Hein. Nous aussi, on s'est barré. Il y a Cristal qui dit passer un réveillon de Noël le 24 décembre et en bonne compagnie avec Mickaël, Toff, Sandro, Polo. Ça va être une soirée super fun. Bah, c'est le but en même temps. Hein. Benoît qui dit un fantasme, le faire dans un hypermarché. Ah, bah, super le fantasme. Hein. Et le prince Nadia encore sur le Twitter qui dit en tout cas, moi, je ne le ferai pas dans un cimetière pour rien au monde. Jérémy Love qui dit mon fantasme serait de le faire dans les studios de fun pendant que Toff regarde. Mais écoute avec plaisir. Oh quelle horreur. Si je peux me masturber en même temps c'est parfait. Et Quentin qui dit deux femmes qui s'embrassent, le fantasme de tous les mecs. Et Alexis qui dit avoir une relation sexuelle avec de la crème fraîche, pourquoi pas. Angelina, moi je serais capable de. Ah oui c'est par rapport aux dénonciations là. On en parlera dans quelques minutes là, bougez pas d'ailleurs. Bon bah Johan, merci d'être passé en tout cas, Johan et Eric. Ouais, y'a pas de soucis. Et vous revenez quand vous voulez tous les deux. Ça marche. À bientôt. Hein. C'est possible de gratter un petit pack fun? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse tout de suite. Une petite dédicace. Nickel, ouais, alors merci. Vas-y, il y a une seule personne, on t'écoute. Bah, Dylan Abdelkader, c'est mon meilleur pote. Et très bien. Il m'embrasse très fort. Eh bah voilà, message passé, pas de problème. Salut Yo, salut Eric, à bientôt. À bientôt, ciao à vous. Et puis, alors il y a avant de partir avec Stéphanie, il y a Hamid qui voulait terminer. Hamid qui est là, 30 ans de Lille. Ah merde, on a échangé une Lilloise contre un Lillois, je suis déçu. Ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah ouais, j'aurais préféré garder la fille, Hamid. Mais enfin, c'est pas grave, sois le bienvenu quand même. Hein. Bah, ça va et toi? Ouais, tranquillement, ça va. Bon, nickel. Alors, Hamid, tu voulais réagir, toi, par rapport à Stéphanie? Il y a toujours Déborah aussi qui est là au cas où. Hein. Bon, on t'écoute. Ouais, j'ai entendu. On t'écoute, Hamid. C'est pour draguer Stéphanie ou pour parler de... Ah bah comme tu veux, c'était ami de la télé, t'es ici, tu fais comme tu sens. En fait, moi mon fantasme que j'aimerais que j'aimerais bien, c'est faire un plan à trois avec deux milfs. Avec deux milfs. Ah ouais, t'es pas difficile toi. Ah non, pas du tout toi, effectivement. Ah ouais. Bah ouais, c'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Ouais. Ah ouais. Oui, pourquoi pas, oui, 2000, très bien. Et quel fantasme tu as déjà fait? Et que t'as kiffé ou pas? J'ai kiffé justement peut-être. Ouais, j'ai un fait spécial là, c'est juste que j'ai fait un plan à trois avec deux fils. En fait, défibrillateur. Mais non. Bon, c'est très clair ce qu'il dit, moi j'ai tout compris. Donc t'as déjà fait quoi alors? Parce que moi j'ai rien compris. Bah Non mais non, mais t'as déjà fait avec quoi? C'est un fantasme comme un autre. Bah merci Sandro. Hamid. Ouais, j'ai entendu. J'ai fait un le fantasme que j'ai fait, c'est un plan à 3 avec deux filles de 25 ans. C'est deux filles de 25. C'est déjà pas mal, hein. Hamid, hein. C'est chiant de pas avoir de réseau. Il y en a qui ont pas de mec, hein. Non mais c'est vrai. Et Sandro, on n'a pas appelé son dépanneur parce qu'on s'en est rendu compte trop tard, mais on va le faire demain, promis. En début d'émission, on va appeler le dépanneur. Hein, comme elle vient de lancer une perche, en disant, ah mais il y en a qui ont même pas de mais mec. Non, arrête. Comme on ça, on va lui en trouver un demain. Si, Sandro va boire un coup. Hein. Mais oui. Et après, ouais, on va voir Déborah. Elle se fera fourrer la clé anglaise. Tu viens avec moi, t'es loin. Ah mais t'es loin, toi. Allez, t'as Reims, oui. Mais elle ramènera le champagne, comme ça, c'est bien. Ouais, voilà. Voilà, ça peut être une bonne raison, une bonne idée. Ouais. Bah, pourquoi pas. Bon, ben merci Amine et Stéphanie et Déborah. Merci à vous d'être passés. Hein. Je vous fais des gros bisous. Bisous, salut. À bientôt Eric également, merci à vous toutes et vous tous. On va récupérer Bill dans quelques minutes comme promis, qui voulait savoir comment trouver une meuf quand on travaille trop, hein. On va en parler. Et puis bon, on va se mettre le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio. On fera encore d'autres appels avec Toff juste après. C'est la nuit sans pub. Hey brother. Le son d'Avicii à l'instant sur Fun Radio, c'était Hey Brother. Il y a Benoît aussi qui a envoyé son message également là. Benoît qui dit Mickaël, la soirée avec vous, elle passe trop vite. Merci à vous tous. Énorme faire l'amour dans une salle de classe, rien de mieux, signé Chipster. Ah pourquoi pas. Benoît également qui dit le fantasme, le faire dans le foin. Oh là là, quelle angoisse. Ah ouais, dans le foin là, moyen quand même. Ah oui, complètement, complètement. Bon, on fait encore quelques appels avec Toff là. Ah oui. Mais allons-y. Eh ben voilà, je rappelle que depuis tout à l'heure, grâce à Déborah, donc on appelle pour demander s'ils ont déjà pratiqué l'anulingus. Voilà, puisqu'il paraît que c'est dans les 50 choses qu'il faut faire avant de mourir. Exactement. Et toi, t'es enculé, moi. Voilà, c'est toutes des réponses qu'il a déjà eues. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Voilà. Eh oui, pas terre. Une sorte de queue. Voilà. Quand même, enculé, moi. Et puis les papales de cul. Bon bref, du coup, on va appeler des nouveaux, hein, des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff. toph@funradio.fr. Allons-y. Hein, oui, on y va. Allons-y. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils seront encore en pleine forme à 1h11. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait un anulingus. Un quoi? Un anulingus. C'est quoi ce truc? C'est quand vous léchez le cul de votre partenaire. C'est quoi? Ah, elle est très bonne la blague. Mais c'est pas une blague monsieur, c'est une question. Ouais. Et puis c'est quoi comme blague ça encore? Mais c'est pas une blague monsieur, c'est une question. Ouais, bien sûr. Oui, je vous demande juste si vous l'avez déjà fait. Ouais. Bah venez voir, moi je vais vous faire montrer. Bah c'est-à-dire vous allez m'en faire un? Ouais. Donc ça veut dire que vous l'avez déjà fait? Bah non, justement. Bah je comprends pas alors. Venez me voir. Et si on en reparle. Ben oui, mais si je viens, ça sert à quoi, monsieur? Moi, je veux juste savoir si vous l'avez déjà fait. Ça sert en plus pour éviter que tu racontes de la merde, je vais te mettre des baffes. C'est clair comme ça? Pourquoi vous voulez mettre des baffes, monsieur? Je comprends pas. Putain, vous êtes cassé ce soir. Mais pas du tout, monsieur, enfin. Ah bah si, mais il a raccroché, là. Attends, on va le rappeler. Bah oui. Attends, hop, bouge pas, hop. On le rappelle un petit coup, là. Oui. Vous allez me faire chier longtemps ce soir ou quoi? Bah non, pas du tout monsieur, je veux juste savoir si vous avez déjà pratiqué. Putain, mais arrête de me casser les couilles, bordel de merde, tu comprends le français? Bah oui, je comprends monsieur. Arrête de me faire chier, c'est clair comme ça, bordel. Oui, mais vous répondez pas à la question monsieur. Ah oui, mais là il va pas répondre à mon avis, hein. Hein, et je pense qu'on a déjà failli te casser la tête deux fois ce soir, donc oui, non, là je suis bien sûr. Ouais, là il vaut mieux, ouais. Bon, on en fera d'autres encore tout à l'heure avant la fin de l'émission. Si vous avez des numéros de téléphone de gens calme comme sympa, celui qu'on vient d'avoir, oui, n'hésitez pas, vous envoyez les numéros sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Il y a Let's Be Freaks qui dit fantasme dans une grotte juste derrière une cascade. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et Benoît qui dit Mickaël à Montpellier, il y a Lola Rêve, si Polo la voit, il va bonder et à faire exploser son jeans, mort de rire. Ah, écoute. Je demande venir, à Google. Elle peut venir, hein, Lola Rêve, pas de problème. Miko et Kili aussi, enfin, ils sont là. Ah oui, ça c'est un message de début d'émission, les fratés complètement tarés. Vendez-nous du rêve de ouf. Bisous sur la fesse gauche de Sandro. Voilà, le message est passé. Bisous. Et puis voilà. Et puis plein de messages également qui arrivent sur le Twitter, le Facebook. Venez nous rejoindre également, hein, facebook.com/mikaelofficiel sur le Facebook de l'émission. On est plus de 289 000 ce soir alors qu'on est là depuis 4 mois, donc on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? T'as regardé Lola Rêve? Ah oui, je pense que Polo peut courir. Ah oui. Ah bah travaille chez Marc Dorcel. Non. Ah ouais, putain, je démonte. Ah ouais, bah Polo va rêver déjà. Hein. Ah, elle est bonne. Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'elle est bonne, Ouh, ouais, effectivement, c'est du high level. C'est du high level. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Oui, on va parler avec Quentin également des dénonciations. On en avait parlé au début de l'émission. T'es là, Quentin? Oui. Je vous ai demandé ce que vous feriez, est-ce que vous seriez capable de dénoncer quelqu'un contre de l'argent. Il y a un message aussi d'Angelina qui dit moi je serais capable de dénoncer ma pote pour payer ma Xbox par exemple. Voilà, donc pourquoi pas. Et alors il y a Toff, balance tout pour de l'argent. Vu qu'il est clochard, tu peux lui mettre un coup de marteau piqueur pour lui refaire ses dents. On l'a déjà fait, figure-toi là, on l'a déjà fait. Bon Quentin, toi tu serais capable de balancer ou pas alors? Oh bah non. Hein? Non non. Tu balancerais personne, t'as jamais balancé personne? Bah si, mais bon, je balancerai pas pour de l'argent. Mais puis bon, ouais, balance gratuit. Ah, toi c'est gratuit toi. Bah non, mais bon voilà, j'avais balancé un pote, mais voilà, c'est pour des conneries, mais je balancerai rien de gros pour de l'argent. D'accord, donc ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui fait une connerie, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, et qu'on te dit voilà, si on dénonce celui qui a fait ça, je donne de l'argent, tu te tais toi. Ah bah si, si je l'aime pas, si bah si je donne... Ah, donc tu serais capable de balancer pour de l'argent. On n'a pas dit qu'il fallait balancer vos amis, la famille ou quoi. Hein. Je dis juste, est-ce que vous seriez capable de balancer pour de l'argent? Parce qu'il y en a, ils sont, c'est soi-disant une espèce d'honnêteté, comme je prendrais l'exemple de quelqu'un, je vais taire son nom, ouais, qui prend un chocolat dans une machine, il y en a deux de plus qui tombent et qui fait le tour du monde pour essayer de rendre des chocolats dont tout le monde se fout. C'est-à-dire que même le mec qui gère la machine a dit, je m'en branle de tes chocolats, garde-les. Non, je veux les rendre, garde-les, tu vois. Donc c'est un peu pareil, quoi. Ouais. Voilà. Non bah ouais, je dis non bah ouais. Pour de l'argent, ouais, pour quelqu'un que j'aime pas, mais si c'est des potes, bah non, je dénonce pas. D'accord, ok, non mais au moins comme ça le mérite d'être clair, hein, pas de problème. Bah merci Quentin d'être passé. Ouais, je peux avoir un pack Love in Fun? Love in Fun, non, faut demander Love in Fun. Ouais, excusez-moi, c'est. Tu peux avoir un cadeau? Bon, on va te filer un pack fun quand même, t'inquiète. Ok, merci. Salut, salut. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi, Quentin. Y a Bill également qui est avec nous là. Bonsoir Bill. Bonsoir. Comment ça va? Salut. Bien, ça va. Et bien, bah ouais, nous on va plutôt bien aussi, ouais, tranquillement. Plutôt pas mal. T'as passé une bonne journée? Ouais, beaucoup de taf, mais ça va. Ah bon, tu fais quoi? Je suis informaticien. Ah bah tu fais pas grand chose alors. Hein. Ouais, depuis quand les informaticiens? Les 20 secondes. Je referai cette vanne. Ouais, si tu referas la vanne au jour. Ouais. T'as avalé ta langue. Dis-moi, et avant de parler avec toi, Bill, là, je sais pas si vous êtes au courant, mais en Angleterre, oui, c'est très anglais ce soir, hein, parce que c'est à Stanford qu'ils avaient fait l'étude là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est, ils vont remettre la pire réplique dans un livre, et il y a du lourd dans les nominés. Hein. Alors il y a plusieurs répliques. Hein. Donc il plongea deux doigts dans sa vulve et commença à sonder son canal vaginal, comme s'il était à la recherche de ses clés de voiture. Par exemple, ouais. Ou alors elle a ressenti une émotion monter si fort et si haut que son corps a fondu en une seule note de musique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Complètement. Je me suis approché de sa bouche, elle sentait le melon mûr, pas la pastèque rouge de Toscane, mais la variété vert pâle que je venais d'acheter. Quand même improbable hein, ce genre de phrase. Ah, ouais. Ou encore, elle désire au plus profond d'elle-même sucer chaque goutte. Toutes les gouttes de ce jus chaud qu'il a tiré de son ventre. Oh. Bon, si vous avez des répliques de films bien pourris que vous connaissez, hein, envoyez-les-nous, qu'on se marre un petit peu ce soir, on les lira. La pire de l'émission, donc n'hésitez pas, hashtag Mickaël sur le Twitter et le Facebook. Vous pouvez aussi nous appeler 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et on n'oublie pas bien sûr les SMS si vous voulez. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou encore au 30 44 depuis la Belgique. Donc si vous connaissez des petite réplique de film bien pourri, on en parle ce soir. Ou si vous avez envie d'inventer des répliques de merde, hein, là aussi n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Bon, alors Bill, on parle de quoi avec toi, dis-moi? Tout simplement en fait du fait que je sais pas, j'aurais bien voulu peut-être des, je sais pas si on peut dire ça, mais des conseils en fin de compte pour je sais pas pour aménager son temps et pour essayer de rencontrer en fait des gens et plus principalement en fait des filles quoi. En fait. J'ai pas compris. Ok, je sais pas, mais moi j'ai rien capté. Hein, ce il que tu me racontes. Des meufs. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait j'ai un temps assez surchargé, on va dire. Et disons que c'est assez difficile en fait pour peut-être sortir ou quoi et trouver du monde, du moins pour faire avec des filles et tout ça. Je n'ai toujours rien compris. Ouais. Bon, je vais tenter de voir si j'ai compris. Donc. Ouais. T'as un travail, tu travailles trop et tu veux savoir comment rencontrer des filles. Ouais, voilà, en gros ça donne ça, ouais. Ouais, mais alors donc si tu si tu découpes un peu là, si t'enlèves un peu la graisse autour là, ça donne quoi? Bah pas moi. Hein? Si je découpe un peu, dans par rapport à quoi en fait? Par rapport à mon temps de travail? Non, tu dis en gros c'est ça, donc je te disais si tu enlèves la graisse, façon de parler, c'est une boutade. Oui, ça donne ça, oui, je l'avais saisi, mais ouais, d'accord. Entre autres, ça donne ça, oui. Bon, en gros, tu veux rencontrer des meufs? Oui, voilà. Ah bah voilà, dis franco de porc, nous on n'est pas dans le détail ici, tu dois pas tourner, aller à gauche, à droite pour arriver. Non, mais si je voulais pas non plus être offensant ou passer pour un pervers. C'est oh, mais t'inquiète pas, on a toffe et polo, donc à ce niveau-là, t'as quand même de la marge avant de passer pour un pervers. Hein. On a bien compris que tu voulais fourrer ta bite dans de la chatte. Merci, Toff, t'es vraiment un. Putain, enculé. Complètement quoi. Tu sors de queue. C'est dingue. Bon, il y a Benoît qui dit Bill, il va nous raconter une histoire de boule. Lol, car Bill est boule, ok, je sors. Oui, Benoît, tu peux partir. Ah, j'ai posé la fin. Je te confirme, tu sors. Bon, eh ben écoute, on va essayer de te trouver une fille alors, mais quel est le problème? Donc tu travailles trop, c'est juste ça ton problème? Ouais, en fait, oui, mais aussi principalement, en fin de compte, c'est juste que d'un côté, genre, bon, je vais le dire, hein, mais pas trop de soucis, disons qu'en fin de compte, c'est surtout qu'en fait, j'ai pas vraiment, genre, j'ai peur en fait d'avoir réellement une relation avec quelqu'un, parce que j'ai peur en fin de compte que derrière, en fait, ça la fasse chier, que j'ai pas forcément beaucoup de temps pour elle ou ce genre de truc. Bah, fais de la radio, hein, c'est mon meilleur conseil. C'est la d'accord. N'importe quoi. T'as peur de t'attacher en fait? Bah ouais non, pas spécialement. C'est juste que j'ai peur qu'en fin de compte, elle empathise par rapport à mon temps de travail. Oh là là, mais toi t'es en train de te prendre la tête t'es pour un problème dans... alors que t'es même pas avec la meuf. T'es quand même grave. Ouais, mais bah, déjà marié dans cette tête. Je suis comme ça, tu es. Non mais c'est ouf, t'es en train de. Tu sais, t'es en train. C'est un peu comme si t'étais, je sais pas moi, t'es là, tu te dis tiens, je vais aller m'acheter un billet pour aller voir un match de foot. Ah non, je vais pas le faire parce que si je trouve une meuf après, elle va peut-être dire que je sors trop. Alors je vais pas le faire. Bah t'en as rien à foutre, vas-y, fais-le. Et puis bah c'est pas grave, te prends pas la tête. Le jour où tu trouveras une meuf, bah tu vas la trouver. Et si jamais ton emploi du temps lui la satisfait pas, bah elle te bâchera. Et puis sinon vous allez peut-être rester, elle va peut-être s'arranger, peut-être tomber sur une meuf qui travaille autant que toi, enfin je sais pas. Bah sinon et après oui. Tu prends une informaticienne, vous faites des battles de geek et il y a plus de problème. Ah non, surtout pas, j'ai déjà essayé, franchement. Vous tapez des lignes de code. C'est mort. Bah oui, il y a des battles par SMS de ligne de code. Ah génial, putain, ligne de code sur IRC sur le chat. Ah ouais, super. IRC quoi, le bon vieux chat quoi. Ah ouais, on va bien se marrer. Bon, reste avec nous, Bill. Vous aussi, tiens, est-ce que vous travaillez beaucoup au point d'avoir des problèmes de rencontrer des mecs ou des meufs justement? Est-ce que vous avez des conseils à filer à Bill, les filles, les garçons? Dites-nous. On va prendre Jérémy aussi dans quelques minutes qui voulait réagir à toi justement. Reste avec nous. On aura Stevens. On aura également une grande star au téléphone. Michael Jackson. Non, pas du tout. Ah pardon. Nous aurons. Son prénom commence par un J. Je n'en dis pas plus. Johnny Hallyday. Pas du tout. Je n'en dis pas plus. Nous découvrirons ça ensemble dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Muttonheads maintenant. Dancing with the Stars. Il est 1h22. Bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit sur Fun. It's so hard to let go. Sur Fun Radio, Dancing with the Stars, il est 1h25 sur Fun Radio, la bonne nuit tout le monde. Mickaël No Limit, on est là tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Et oui, depuis le 22 juillet, il y a enfin quelque chose de bien. Écoutez la nuit à la radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe, tous les dimanches également, de 20h à minuit. Je vous rappelle qu'on sera à Montpellier d'ailleurs ce dimanche, ce week-end complet d'ailleurs. Vendredi, on passe vous prendre au bahut, ce sera sur l'esplanade du lycée Joffre à partir de 16h. On sera là avec des cadeaux, avec le pick-up, c'est pas un pick-up, c'est un 4x4, logotisé. Fun Radio, on aura aussi des petites Twizy, des hôtesses qui seront là, on aura des cadeaux pour vous. Samedi, on sera à 16h pour faire un petit Soccer 5 avec vous et contre vous aussi, accessoirement. On aura des places à vous offrir pour I Love Techno à cette occasion à l'équipe gagnante. Ce sera à Castelnau-le-Lez. Donc si vous voulez venir, bah, n'hésitez pas, il y a un petit agenda aussi sur le Facebook. Hein. Vous pouvez voir, vous inscrire facebook.com/mickaël officiel et puis on fera l'émission bien sûr dans les studios de Fun Radio à Montpellier. Ce sera dimanche soir, 20h, minuit, là aussi vous aurez et vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas, il y a de la place, et sur la place de la comédie. Et aussi samedi soir d'ailleurs, demain on vous offrira vos places pour venir avec nous bouffer. On vous invite au resto pour venir manger avec nous. Là on sera 20, donc il y a de la place, hein. Si vous voulez venir bouffer gratos avec nous, c'est Funky Douille. Et ça c'est bon. Ah bah profitez alors, si je peux vous dire. Donc allez-y si vous voulez, on fera le jeu demain pour que vous puissiez venir, les Montpellierains et Montpellierelles, et même ceux qui sont dans le quartier d'ailleurs, hein, en tout cas dans la région. On vous en parle plus en détail demain. Il y a Kevin qui dit pour la pire réplique, il y a Toffebo. Oui, effectivement, je peux concevoir. Et puis on va encore faire un petit appel là maintenant. Hein. Mais allons-y, allons-y. Allez, c'est parti. Petit appel pour savoir si les gens ont déjà testé la Nulingus. C'était Déborah qui nous avait lancé sur le sujet, tout à l'heure. Et donc on est tombé sur pas mal de gens qui t'ont insulté, hein, dont le juge d'application des peines qu'on avait eu hier. On appelle ? Allons-y. Allez, c'est parti. On y retourne. Go. Allez. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà pratiqué un Nulingus. C'est qui ? Moi, c'est Toff. C'est Toff. Pardon ? C'est qui, Toff ? Ben, c'est moi, monsieur. Vous êtes sérieux, là ? Ben oui, je suis sérieux. C'est quoi la question que vous avez posée ? Ben, je vous ai demandé si vous aviez déjà fait un Nulingus. Monsieur, Oui. Vous êtes qui, là ? Moi, je suis Toff, mais je vous l'ai déjà dit. Et vous êtes sérieux à votre question, là ? Bah oui. Je sais pas quoi répondre. Bah, vous avez essayé ou vous avez pas essayé ? Mais, allez vous faire enculer, ça va ? Bah, je vois pas le rapport, monsieur. Allez vous faire enculer ! Non, mais d'accord, ça passe par là, mais c'est avec Connard, la langue. Ouais. Enfin, monsieur... Connard. Mais ça se fait pas, monsieur. Oh, il se fait demander par un gamin. Oh là là là. Oh la honte. Oh, c'est bon ça. Oui, c'est bon. Oh la honte. On le rappelle. Allez hop, c'est parti. On remet le couvert maintenant là. Hop là, on y retourne. Allez. Allô. Oui, excusez-moi, mais pourquoi autant de violence? Mais monsieur, c'est quoi ces questions que vous posez là? Bah, c'est une question simple. Est-ce que vous avez déjà fait un Nulingus? Un Nulingus ou Conilingus là? Oui. Bah oui ou non, vous en avez déjà fait un. Et toi ta mère? Bah, je vois pas le rapport avec ma mère, monsieur. Connard va. Mais non, pas connard, monsieur. T'es enculé. Mais pas du tout. Oh, pédé. Mais non, ça n'a rien à voir, monsieur. Et si je vous le dis, qu'est-ce que ça va changer? Bah rien, je saurai, puis on part bons amis. Ah oui? Voilà. Va te faire enculer, non? Si vous voulez, mais ça n'a pas de rapport avec la question. Connard va. Oui, mais tout ça est gratuit, monsieur. Mais je sais, mais... Allez vous faire enculer, monsieur. Oui, oui, je sais. Vous me l'avez déjà dit. Vous savez quoi, monsieur? Non. Ah là là. Déjà que je suis énervé, là, ils vont pomper. Connard, va clochard de... Oui. Enculé, va. Oui. On va réveiller, là, non? Ça fait beaucoup d'insultes, quand même, pour pas répondre à une question, hein. Mais qu'est-ce que ça va changer si je vous réponds? Rien, ça change rien, ça répond juste à la question. Parce qu'en fait, c'est ça la politesse. Je vous appelle, je pose une question, vous y répondez. Oh là là. C'est quoi encore la question? Est-ce que vous avez déjà fait un Nulingus? J'ai dû la poser à peu près 10 fois déjà. C'est quoi ça, un Nulingus? C'est quand vous prenez votre langue et que vous léchez le cul de votre partenaire. Oh là là. Oui. Ah bah voilà. Genre. Et bah maintenant, on peut partir bons amis. Oh là là. Et maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Bah rien, on se souhaite une bonne soirée, puis on se quitte. Ah oui, bonne soirée. Au revoir. Oh là là, oh là là, tout ça pour ça là, putain. C'est dingue. Ah, il nous a fait perdre 2 minutes là, ça y est, c'est fait. Hein. Alors là, il y a le prince qui dit connard va te faire reculer, c'est encore une belle preuve d'amitié ce soir pour Toff. Bah évidemment, évidemment. Tous ces évidemment. Gens qui m'aiment. Complètement, complètement. Bon, on va récupérer aussi Stevens qui est avec nous là, qui vient de découvrir l'émission. Bah salut Stevens. Salut l'équipe. Ah, bah comment ça va? Eh ben moi ça va vraiment super bien. Bon bah tranquille, bah tu viens de débarquer là? Je viens de débarquer, ouais, carrément. Bah alors, carrément. Bah, qu'est-ce que tu faisais avant? T'écoutais quoi? Alors avant, j'écoute Vitamine. Ah oui, bah oui, bah ça te met la patate. J'écoute Vitamine, d'ailleurs je travaille pour eux. D'accord, bah, très bien, bah écoute, on les embrasse, hein, y'a pas de problème. Ouais, évidemment. Bah avec plaisir. Et donc voilà. Du coup, tu découvres l'émission ce soir? Je découvre l'émission ce soir, je rentrais de chez un ami, et j'étais sur l'autoroute et j'avais peur de m'endormir et, voilà. Et là, c'est, j'ai la forme, j'ai la patate, j'ai pas envie de dormir. Ah bah t'inquiète, là, pas, t'inquiète pas, si jamais tu t'endormais, tu nous disais, on te mettait une bonne claque dans la gueule et t'inquiète pas, t'étais réveillé après. Putain, hein. Ah bah aucun problème. Aucun problème. Bon bah très bien, t'es chez toi là où tu rentres? Là je viens d'arriver en bas de chez moi, mais je vais parler dans la voiture parce que à la maison il y a du monde, donc ah oui d'accord, ok, très bien. Bon bah très bien, non mais si long après voilà, t'avais un truc à ajouter, à préciser? Alors oui, mais j'ai l'impression qu'avec cette question il y a beaucoup de va te faire enculer. Oui, c'est bizarre quand même. Oui, c'est la réponse qui vient le plus souvent. Exactement. Mais oui. Ouais, je vais t'enculer moi, t'as l'air bâtard. Voilà. Tu vois, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup de tes coups depuis quelle heure? J'écoute depuis, ça fait une heure. Ça fait une heure. Est-ce que t'as entendu l'appel avec le juge d'application des peines, mais bien sûr. Oui, il était un petit peu énervé, le monsieur. Hein. Bon, ouais, bah, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai accroché, d'ailleurs. Ah, d'accord. Très bien. Eh ben voilà, tu vois, finalement, grâce à lui, on a gagné l'auditeur. C'est pas mal. Carrément. Exactement. Bon, bah, très bien. Du coup, tu feras de la pub pour nous demain sur Vitamine, hein, comme on fait de la pub pour toi. Je parle. Ouais, je vais dire que je vous ai entendu, que c'était pas mal. Bon, c'est quoi ton horaire, toi, sur Vitamine? Moi, je suis commercial, je suis pas animateur. Ah, t'es pas animateur. Ah, d'accord, ok, je pensais, très bien. Et oui, voilà. C'est l'escroc qui va voir les gens en leur disant venez sur ma radio faire de la pub. Voilà. Exactement. On vend de la pub, très bien. Mais bon. Je suis pas un escroc. Eh ben écoute, bah, passe nous voir quand on viendra vers Toulon dans le Var là. On viendra. Carrément, mais vous étiez au Spartan Drive, ça a pas très longtemps. Bah oui, mais là on va faire l'émission. On viendra normalement à mon avis dans le coin là, courant de l'année, mais je sais pas encore quand exactement. Bizarrement, je sais pas pourquoi ça va être genre vers juin. Ouais. C'est pas pourquoi. On va plutôt garder ça quoi qu'il en soit, pas avant avril, ça c'est sûr. Voilà. D'accord, ok. Plutôt mai ou juin, tant qu'à faire, autant profiter du beau temps. Déjà de Montpellier, moi j'avais dit vaut mieux aller au mois de mai. Hein, oui. Personne m'a écouté, on se retrouve au mois de décembre à Montpellier. C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Bah, vous allez avoir froid là. Bah ça va encore, hein, j'ai vu, il faisait 12 degrés et plein soleil, donc ça va, c'est plutôt cool encore. Ouais, la journée, ouais, bah oui, c'est sûr. Ah, mais oui, non, mais la nuit par contre, ça va, on va se cailler le cul, ça c'est clair. Ah ouais, complètement, ouais. Bon, bah merci en tout cas d'être passé, Stevens, là tu reviens quand tu veux. Merci à vous et puis continue comme ça, moi j'ai beaucoup ri. Eh bah écoute, beaucoup ri. Tant mieux, bah c'est gentil en tout cas. Merci beaucoup, voilà. Stevens, à bientôt. Allez, à plus, ciao, bye. Et je vous l'avais promis, cette grande star, cette magnifique star, il est là, il est grand, il est beau, il est fort, c'est... Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre Sauzet. Comment ça va, JP? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Ah, et il a toujours son téléphone sans fil avec ce sifflement insupportable. Oui. Je tenais à remercier une radio qui m'a aidé, c'est la radio Puis Haleine. Oui. Hein, elle t'a tellement aidé que tu te souviens plus du nom. Là, oui, t'as oublié le nom. Et je remercie aussi Vincent. Hein. D'accord, Vincent. Il y a la radio et Madame Dénin, directrice de Puis Haleine radio, voilà. Très bien, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Bah parce que j'ai commencé avec eux, voilà, à être diffusé. Maintenant, je suis arrivé avec vous et j'espère bientôt être diffusé sur BFM, France 2. Ben dis donc, on te diffuse déjà, Jean-Pierre, là, hein, quand même. Comment? On te diffuse déjà. Oui, c'est bien, mais j'espère... Parce que, tu sais, j'ai discuté avec Max tout à l'heure, Max, le Star System, qui bossait sur Fun avant. Ouais. Voilà. Et il m'a dit, mais attends, je comprends pas, tu mets Jean-Pierre in Wonderland, mais c'est pas sa préférée, lui, il en a une autre. Ouais, il y a quoi comme là? Lui, il aime bien la nouvelle. Bah, je sais pas si c'est la nouvelle, mais. Ah, une ancienne version, je sais pas. C'est une ancienne, c'est Super Disco. Oui. Elle est bien, Super Disco? Bah, c'est la toute première que j'ai enregistrée, mais à l'époque, je chantais très très faux. Ah. Mais c'est pour donner l'idée, de la musique est bien, mais de toute façon, en ce moment, j'ai mon compositeur qui est en train de me refaire la musique à la façon de David Guetta. Ah oui. Donc j'aurai la musique d'ici peu. Ah mais ça c'est énorme. Mais sur quelle chanson? Sur Super Disco? Sur Super Disco, ouais. Ah génial. Bah alors attends, parce que du coup Max m'avait envoyé un extrait, donc on va passer un petit extrait et donc on sait que la nouvelle version sera meilleure. Ouais, mais c'est pas Max qui t'a envoyé ça, c'est Vincent. Hein. Oui, mais c'est Max qui m'a dit de demander à Vincent, donc c'est pour ça. Donc si je mets un extrait de Super Disco, on sait que la nouvelle version sera vachement mieux. Ah bah oui, puis de toute façon j'ai un producteur, monsieur Marchand. Oui. Je vais passer le bonjour. D'accord, et très bien. Je vais lui dire que j'étais appelé par une grande maison de disques, une major, hein, qui m'a appelé il y a des années. Ah, une major, carrément. Carrément. Moi, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit qu'ils m'ont rappelé pour l'année prochaine. Ah, l'année prochaine. Bon, attends, c'est Marchand. Oui, mais c'est dans un mois. C'est dans un mois l'année prochaine. Oui. Ouais, bah voilà. Bon, alors pour ceux qui connaissent pas Super Disco, c'est ça. Hey, t'entends le jeu dans cette vidéo là? Ouais, l'important c'est l'écho. Hein. Je tiens à embrasser ceux qui sont en train d'essayer de régler le son là. Allez, réglez le son avec ça, tiens, démerdez-vous à la technique. Eh mais ça vient d'une cassette. Oh attends, je vais l'enlever parce que j'ai la tête qui me part comme j'ai l'impression d'être dans un tube. Ouais, pouh, ça vient d'une cassette ça, non? Oui. Ah ouais. Une cassette que j'ai recopiée sur un CD. Oh là là là là. Et là. C'est des premières versions parce que j'en ai trois versions de Super Disco et une quatrième qui est en cours. Ah d'accord, ok, très bien. En plus avec le bruit du téléphone, avec le sifflement. Ah là, on est au top là. J'ai l'impression de, tu sais, que les acouphènes sortent d'une boîte. Et bah oui, mais bon. C'est une horreur. Non mais y a pas de problème, Jean-Pierre. Mais écoute, alors quand est-ce qu'on aura donc la nouvelle version remixée David Guetta? Bah c'est-à-dire, oui, j'attends la bande, mon compositeur il en a composé, ça peut prendre un mois peut-être, selon le temps, dans la période de fête. Mais vous travaillez sur Evox, si je... toute façon, tu pourrais mettre sur Utunex ou Pays des Merveilles. Mais bien sûr, mais on va essayer de mettre ça tu sur Utunex. Parce que pour faire tout ça, parce qu'on attend. Bah oui, je sais bien, ouais. Mais écoute, t'inquiète pas, mais là c'est les fêtes et tout, c'est pour ça, en plus on part à Montpellier. C'est dommage que t'es pas à Montpellier, t'aurais pu venir faire un petit concert sur la place de la Comédie. Bah oui, mais bon, j'attends d'avoir des contrats et voilà. Ah. Bah ouais, je sais bien. Je sais écoute, il faut d'avoir des contrats. Hein. Mais ouais, donc la prochaine fois qu'on se déplace à ce moment-là, tu si on s'y prend un peu à l'avance, tu peux venir pour un petit concert. Ouais. Voilà, très bien. En plus, Toff, il va gérer ça. Ouais. En plus, bon, je voulais dire que je recherche aussi à passer sur d'autres radios, comme France Bleu, tout oui, ça. Oui, enfin bon, là, t'es sur France Radio. Là, mais t'es sérieux, écoute, Jean-Pierre Sauzère, là. On a signé un contrat d'exclu. Bah, tiens. C'est bien de passer sur d'autres radios. Non, mais bien sûr. Sur Fun, là. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais bon, là, quand même, évidemment. Voilà. Ouais, Fun Radio, c'est déjà grand. Je suis déjà bah oui, bah, bien sûr, c'est déjà grand. Attention. J'ai passé avec Max pendant des années. Bien sûr, et là, maintenant, avec nous. Puis, bon, t'as déjà plus haleine. En plus, maintenant, je connais quelqu'un chez Vitamine. On pourrait éventuellement te mettre là-bas. Mais ouais, putain. Je cherche aussi à passer sur Virgin Radio. D'accord. Mais là, il faut pas, de toute façon, il y a personne qui écoute, donc ça sert à rien. Mais on peut pas lui présenter. Je passe sur des radios. Bon, attends, je vais te présenter. Hein. Attends, on va rappeler Stevens, là, qui bossait sur une radio, qui nous avait appelé sur Vitamine. Attends, on va le rappeler, là. Ah, mais peut-être qu'il est chez lui, là, il voulait pas crier, mais c'est pas grave. Oh, et ce bruit de téléphone, Jean-Pierre, par pitié. En plus, il est commercial, oui, il peut. Oui, allô, Stevens. Oui. Ouais, c'est nouveau, Mickaël. Dis-moi, oui. T'écoutes encore ou t'es rentré chez toi, là? Je suis rentré chez moi. Ah merde. Bon, et il faudrait que tu nous files le nom du programmateur de Vitamine, parce qu'on a Jean-Pierre Sauzère avec nous et il voudrait passer sur la radio. Il voudrait passer sur la radio. Alors le tu veux le nom, le prénom? Non, bah tu vas le donner en antenne, mais parce que l'extrait c'est ça. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou veut me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin blanc merveille. Alors sur Fun, nous on l'a déjà rentré le soir, hein. Et donc on voulait savoir si éventuellement vous pouvez filer un coup de main à Vitamine, à Jean-Pierre là sur Vitamine. Bon, nous on passe pas trop ce genre de. Non mais c'est pas grave, mais c'est rien. Et en plus c'est du quota, pas chipoté, hein. Ouais, bah écoute, je te passe le prénom si tu veux. Oui, bah écoute. Il est moins joyeux que toi. Bah ouais, là, tout à l'heure t'as l'air d'être. T'as l'air d'avoir moins envie de rendre service, oui, là. Je suis pas tout seul, c'est pour ça, j'essaie de parler de ça. Ah d'accord, ok, très bien. Dis, dans quel traquenard ils m'ont fourré encore. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, je suis dans la merde. Bah complètement. Bon, alors écoute, Steven, on va prendre les coordonnées du programmateur, on lui enverra le disque. Enfin, ouais, on lui enverra ça, quoi. Enfin, on lui enverra un lien pour le télécharger. Ouais. Et puis ce serait bien qu'il passe au moins une fois, quoi. Ouais, totalement, mais il a travaillé même avec vous, je crois, le programmateur qui est avec nous. Ah, je sais pas comment il s'appelle. JC. C'est possible. Je pensais être avec vous, hein, sur Marseille, hein. Marseille. Ah, oui, d'accord, ok. Oui. Ah, bah voilà, ce sera encore plus simple comme ça pour le faire rentrer. C'est parfait. Bon, bah merci, ouais. Steven, ça t'a vu, Jean-Pierre, hein, on gère, hein. Oui, c'est bien. Hey, tu sais pas, t'as à côté de ton radio, là. Comment? T'es à côté de RTL, je veux dire. Ouais. Tu peux pas la proposer à RTL, pas un petit peu attendre. Hein, chaque chose en son temps, ouais, on va pas tout faire en même temps non plus. Hein. RTL, c'est juste la porte à côté. Ouais, bah je sais bien, ouais. C'est la porte à côté, ouais. Bon bah très bien, écoute, ce que je peux faire, bah merci Stevens, hein. De rien, avec bon, plaisir. Salut, à bientôt. Ce que je peux faire, Jean-Pierre? Oui. Je peux m'engager. Alors je vais m'engager à demander, oui. Mais je pourrais éventuellement voir avec notre ami Zégut, ah, s'il oui. peut te mettre dans son émission sur RTL2. Ouais. Ça, ce serait bien déjà. Zégut, je l'ai rencontré, moi. Non, ouais. Non. Ah bah voilà. On va lui demander si éventuellement c'est gérable. Ouais. Ok. Ok. Et si jamais il dit ok, je veux bien, mais contre une interview seulement, t'es d'accord? Ok. Bon, bah écoute, c'est parfait. Bah écoute, je lui demande demain et on s'y en jus. Tu me rappelles demain? Oui, bah on te rappelle demain. Ok. On essaiera d'avoir Francis en même temps dans l'émission, comme ça il pourra directement voir. On va essayer de voir. D'accord? D'accord, ouais. Bon, c'est un peu un choc des cultures quand même. Hein. Ouais, je sais, ouais. Bon, bah merci Jean-Pierre. C'est pas sur RTL2, c'est RTL, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est la même chose. Ouais. On mettra sur le 3 également, sur la troisième chaîne. Bon, salut Jean-Pierre, à demain. Bonne soirée à tous. Allez, ciao. À bientôt. Allez. Et rock'n'roll. Écoutez. Oh, putain. Ah, ça fait du bien. Ah, quand on a plus ce sifflement, le mixeur, là. Cette espèce de bruit de masse insupportable. Mais personne n'a ça dans son téléphone. Ah non, mais je comprends pas, c'est assez improbable. Oh là là. Bon, 1h40, on se met Red Fou. Allez. Ouais. Red Fou avec Let's Get Ridiculous. Et puis on aura également, comme promis, Jérémy qui voulait réagir à Bill. On aura Donovan qui voulait réagir à Bill également. Et puis je vous l'avais promis, Red Fou maintenant, Let's Get Ridiculous. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h et c'est sans pub sur Fun. Yeah. C'était le son de Red Fou à l'instant sur Fun Radio, là. Let's get ridiculous. Bienvenue si vous arrivez. Attention, il y a un auditeur qui m'a demandé, et à mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. C'est Jellico qui m'envoie un mail qui dit ouais, je veux réécouter l'appel du juge. Comment faire? J'étais au taf, j'ai pas pu entendre. On va vous le remettre, l'appel du juge, où il avait demandé ce qu'il faisait, s'il avait déjà testé l'anulingus. Sachant qu'on l'avait appelé le juge. Ouais, on l'a mis le juge d'application des peines, qu'on a appelé les flics, le bordel. Enfin, c'était un truc de ouf. On va vous le remettre dans quelques minutes. Restez bien là, et puis là, on va récupérer Bill. Bill, t'es là? Ouais, je suis là. Très bien. Alors, Bill qui nous avait appelé parce que... bah, en fait, il veut savoir comment trouver une meuf quand on a trop de travail. C'est ça? Parce que oui, t'as peur de la délaisser, blablabla, blablabla. Bla, bla. Alors, il y a Jérémy également de l'Ardèche là qui est avec nous. Salut Jérém. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va tranquille, Jérém. Sois le bienvenu. Tu voulais donner un... tu voulais appeler par rapport à Bill. Enfin, tu as appelé par rapport à Bill, je vais y arriver. Ouais, voilà. Et donc, tu as déjà vécu ça? Tu voulais donner des conseils? Ouais, moi, je te dis qu'il se prenait un peu trop la tête parce qu'il y a un moment, il faudrait peut-être d'abord trouver la meuf avant d'imaginer des problèmes. Ouais. C'est peut-être mieux? Enfin, je dis ça après. Non, mais c'est vrai, hein. Bah, ouais, c'est ça. Non, mais moi, en fait, ouais, j'avais appelé parce que, bah, en fait, c'est ça, j'avais beaucoup de travail. Et puis, bah, c'est simple, bah, en fait, tout ce que j'arrivais à trouver, bah, c'était des meufs qui, justement, faisaient à peu près le même travail que moi. Genre, moi, j'étais en cuisine, du coup, elles étaient au service. Ouais. Et, bah, du coup, bah, je vais trouver comme ça, en fait, hein. Ah, les donc... gens directement qui étaient sur mon lieu de travail. Ouais, mais toi, ouais, mais lui, ce qu'il veut pas, c'est que, justement, il veut pas trouver une informaticienne, parce que lui, l'informaticien, c'est bien ça, Bill. Ouais, non, j'ai déjà essayé, c'est pas terrible, en fait. Genre, c'est... J'ai rien compris, Bill. C'est pas terrible en fait. Je disais, ah, c'est pas terrible. Ouais, non. Bah, finalement, vous parlez que de ça, c'est chiant quoi. Ouais, n'importe quoi. Ouais, c'est casse-couille quoi. T'as l'impression de ramener du travail à la maison et de ramener ta meuf au travail quoi. C'est ça. C'était un peu ça en fait, ouais. D'accord. Et attends, il y a Donovan aussi de Maubeuge qui est avec nous là dans le Nord. Salut Donovan. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, tranquille, Donovan. Sois le bienvenu. Ah, alors, toi, si t'avais un conseil à filer, toi, à Bill, du coup. Oui. Bill. Prends pas la tête avec des filles, c'est eux qui vont venir à tes pieds, t'inquiète. Ça m'est arrivé comme ça, comme toi, je bossais. Et à force en fait, j'avais plus le temps et tout pour m'amuser et tout en fait. Donc c'est eux qui sont venus à mes pieds. Voilà. Mais c'est-à-dire, c'est l'un dieu. Elles sont venues comme ça par magie. Ouais mais c'est ça, c'est-à-dire. Tombe du ciel. Parce qu'en fait, j'étais dans la rue et tout, je revenais du boulot. Et il y en a qui klaxonnaient et tout, donc je demandais à chaque fois qu'est-ce qu'ils voulaient. Et me donnaient à chaque fois leur numéro en fait. Ah bon? Ouais non mais... Mais c'est comme ça dans ton quartier, comment ça se passe? Ouais c'est comme ça Maubeuge, parce que j'ai jamais eu ça, hein. Je me suis jamais sorti dans la rue, il y avait des meufs des meufs qui klaxonnaient et qui voulaient mon numéro, tu vois. Alors, ça se passe comme ça dans Maubeuge. Ouais, c'est pareil dans mon quartier, ça se passe comme ça aussi. Les meufs, elles m'accostent et tout. On dort ensemble, mais à la fin, elles me demandent de payer. Hein. Ouais. Non, mais moi, c'est pas comme ça en fait. C'est parce que moi, je suis toujours à vélo parce que j'ai pas le permis et tout, donc je suis à vélo. Et ils viennent un petit peu le passage et tout. Donc, ils klaxonnent et tout. Après, je m'arrête, ils s'arrêtent et ils me demandent de me reculer et tout. Et à chaque fois, bah, vu que j'ai une belle tête, en fait, bah, ils me donnent leur numéro à chaque fois. Ah ouais. Ça se passe comme ça, ouais. Ah, ça se passe comme ça, Maubeuge. Eh ben, très bien, toi, on va déménager. Bah, grave, je vais sortir mon vélo à Maubeuge, j'y vais. Hein. Directement, il va aller à Maubeuge en autolib. Et il va être bien. Ah bah oui, oh là là, j'ai intérêt à la recharger plusieurs fois. Hein. Ah ouais, mais ça va pas être possible ça. Hein. Ou alors t'en prends plusieurs, tu les mets les unes sur les autres sur le toit. Venez tous chez moi, je vous invite. Ah bah voilà, bah très bien, mais comme ça on va être bien. Mais est-ce que les filles seront là de Van? C'est ça la question. Si, une bonne soirée avec des meufs et tout, vous inquiétez pas. Il y aura tout assuré. Ah bah très bien, bah écoute, alors on est bien, bah toi va déjà le premier être inscrit hein. Voilà, je m'inscris maintenant. Voilà, inscription faite, ça y est, c'est fait, c'est plié. Hein. Bon alors ce week-end on est à Montpellier donc c'est compliqué. Mais après, pourquoi pas. Bien. Bah, aujourd'hui il va arriver tout de suite ouais en autolib, là il arrivera vers 9h du matin à peu près. Voilà. Un peu moins même. Je crois que la vitesse maximum de ce truc ça doit être 60 km/h. Peut-être un petit peu. Ouais, alors un peu avant à la limite, un petit peu avant. Bon bah merci Donovan en tout cas d'être passé. Et à bientôt à Maubeuge. Je peux faire une dédicace? Eh ben vas-y, profites-en à une seule personne, bah, là, vas-y. À toutes les personnes de Maubeuge. Très bien, eh ben, on embrasse tout le monde dans le Nord, il n'y a pas de problème. Et un pack fun qui a oui, eh ben je vais te repasser Sandro. Sandra, on va prendre tes coordonnées pour le pack fun, Donovan. On envoie ça à Maubeuge. Merci. Au revoir. Je t'en prie, salut Donovan. Jérémy, un truc à ajouter encore? Non, si ce n'est qu'il essaie de sortir un peu après le taf, quoi. Oui, mais ça aussi, Bill. Moi, je l'ai beaucoup fait, hein. Genre, je finissais le travail... Même si c'est pour pouvoir voilà. Ouais mais après là tu finis limite en boîte ou quoi, je veux dire après c'est. Mais pas forcément en boîte, mais tu peux aller dans des bars, tu peux aller au ciné, tu peux aller n'importe dans où. Dans des bars et tout. Bah ouais, t'es pas obligé d'aller dans des boîtes obligatoirement. Bah voilà, tu vas surtout qu'informaticien, voilà, je pense pas que tu finisses aux mêmes horaires que moi je finissais, genre minuit une heure quoi. pense que tu finis bien plus tôt. À quelle heure tu finis en moyenne, toi, Bill? En moyenne, bah ça dépend. Je peux taffer jusqu'à des minuit une heure en fait. Genre bon, on me donne du travail aléatoirement et puis après bah je dois travailler dessus sur un temps donné. Donc après voilà. D'accord. Ça. Bon bah écoute, alors mais tu fais pas tout le temps non plus. Donc il y a des moments où t'as l'occasion de rencontrer des meufs, Bill. Hein. Et puis ouais, mais s'il y a des filles éventuellement de Toulouse là qui voudraient éventuellement avoir plus d'infos sur Bill, bah 01 42 48 5000, appelez-nous. Hein. C'est pas plus compliqué que ça, Bill. Voilà. Non mais pour dire, j'ai même essayé en fin de compte un site de rencontre, bon je donnerai pas le nom, ça sert à rien franchement, ouais. Mais c'était franchement nul quoi, genre après je sais pas, genre les seules filles que j'ai rencontrées là-bas, genre franchement, genre c'est pas pour être méchant, c'est pas péjoratif ni quoi, j'ai un grand respect des femmes, mais genre elles étaient pas fuite quoi non plus quoi. Genre, mais non mais genre, après tu peux mais tu as un grand respect. Vraiment... Conversation, c'était franchement chiant. Non, mais... donc, D'accord, mais là tu parles d'un site de rencontre, mais tu peux rencontrer des meufs en boîte dans un bar, n'importe où, d'une rencontre normale, et tu peux tomber sur une meuf qui est pas fute-fute, tu peux tomber sur une meuf super intelligente, super intéressante, ouais, sur un site de rencontre. C'est pas forcément le truc super intelligente, mais tu vois, genre au moins qui... Non mais tu fais une généralité, il y a des milliers de meufs sur des sites de rencontres. Tu peux tomber sur des cassos et tu peux tomber sur des filles bien. C'est petit bonheur la chance. Ouais, voilà. Bah oui. Donc il faut pas directement mettre les sites de rencontres, tu vois, faire la catégorie site de rencontres égale que des filles débiles. Bah non, ça n'a pas de sens. Non, j'ai pas fait ça, mais okay. Je dis pas ça. Mais... Bah oui. Voilà. Oui, j'en ai eu une mauvaise expérience. Ouais, Jérôme. Ouais, non, moi je dis Pampidi pour les sites de rencontre, mais par exemple mon père, et il a rencontré sa femme sur un site de rencontre, et là ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Hein. Oh, bah voilà. Ouais, non mais c'est bien. je dis pas que c'est une généralité, je dis pas elles sont toutes comme ça, non. Je dis juste j'en ai eu une mauvaise expérience du fait que j'ai rencontré quelques personnes qui, elles, étaient pas... me correspondait pas, on va dire, voilà. Bah voilà, mais c'est pour ça, faut pas lâcher l'affaire, et puis tu t'entends d'être une... En plus, exactement, ouais. Bah merci Jérôme d'être passé, hein. Ouais, bah merci à vous. Tu reviens quand tu veux. Et puis Bill, bah écoute, si jamais il y a des filles qui sont intéressées par toi, on transmet le numéro, pas de problème. Bah ok. Ouais, c'est ça le fait de sortir avec Bill. Exactement, yeah, Bill from Toulouse. Salut Bill. Merci à toi, hein, bientôt. Merci. Ciao, bye bye. Et puis on aura Maïva aussi qui voulait chanter le générique de fin. Bah très bien, on fera ça dans quelques minutes. Et puis avant de partir, eh bien il y en a qui voulaient notamment, j'ai reçu un mail, j'ai oublié le pseudo, c'est pas grave, qui voulait entendre parce qu'il était en train de travailler pendant qu'on a diffusé, pendant qu'on a appelé le juge d'application des peines, là c'était le dossier depuis tout à l'heure. Eh bien le rappeler, alors on va vous mettre que directement le long appel. Hein. Oui, bah oui, c'est le principal quand évidemment. Quand on a fait connaissance avec toute la famille. Quand on a fait connaissance avec la famille, même avec des nouveaux amis, hein, puisque c'était tout à l'heure, on avait appelé pour parce que toi voulais savoir s'ils avaient déjà pratiquer l'anulingus, oui. Mais il faut savoir qu'on avait déjà appelé ce mec, oui. Hier, mmh. Et que hier, donc il nous a insulté évidemment, enfin tof, et qu'il avait dit bah à la fin, bah rappelez-moi, voilà. Donc ce qu'on a fait quoi, voilà. Il m'a demandé, ben on l'a fait. Après, voilà, c'était parti, on avait appelé, c'était tout à l'heure sur Fun Radio et on s'était bien marré. Avec... oui, je m'excuse, on a été coupé. Oui, ben oui, parce que j'étais en téléphone avec votre mari, mais on a été coupé. Oui, voilà, ben non, parce qu'il m'avait demandé de le rappeler hier et du coup je le rappelle. Oui, et aujourd'hui c'est pour me demander quoi? Pour me demander si mon mari baisse bien? Oui, il baisse bien. Pourquoi? Ça vous dérange? Non, je voulais savoir. Il y a un problème avec ça? Non, je voulais savoir si vous aviez déjà. Si je dois passer à la radio, je vais vous foutre la honte, moi. Par contre, arrêtez de me casser les couilles parce que sincèrement, le jour où je vais m'énerver, si jamais j'arrive à vous retrouver, je vais vous mettre une grande pelle dans la gueule. Mais j'en prends si déjà. Si vous voulez, je vous donne même mon adresse. Si vous voulez, vous venez chez moi. Par contre, vous êtes sûr d'être mal reçu. Donc soit vous arrêtez de m'appeler et de me casser les couilles comme vous faites. Ou alors ça va très mal aller pour votre gueule. Et ça, je peux vous l'assurer. Oui, allô, moi je suis 20 rue Bayard à Paris. Bien sûr, mais vous vous foutez pas un peu de ma gueule? Ah non, pas du tout, c'est l'adresse où je suis. Oui, bien sûr. Eh ben, vous voulez jouer, sincèrement, on va jouer. Ben, d'accord, mais parce que par contre, la question d'aujourd'hui, je voulais pas encore poser. Vous voulez quoi comme question? Ben, vous voulez savoir si j'ai un grand clitoris? Oui, j'en ai un. Non, vous voulez savoir quoi? Si mon mari baisse bien? Oui, je baisse bien. Si je suis bien? Oui. Si il lâche, oui. Oui, pour tout. Ça vous dérange? Il y a un problème avec ça? Pas du tout. Mais la question d'aujourd'hui portait sur l'anulingus. Est-ce que vous avez déjà essayé? Non, mais je vous emmerde. Je vous demande pas si votre femme, elle baisse bien. Qu'est-ce que vous allez me casser les couilles? Votre femme, elle baisse bien? Vous l'enculez bien? Oui, ça m'arrive de temps en temps, oui. Je sais pas quel est le con qui vous a filé mon numéro, mais ce con-là, il va très bien s'en enculer. Et là, c'est moi qui vais l'enculer. Oui, d'accord. Vous avez entendu? Bien sûr, bien sûr. Même vous, s'il faut que je vous enculerai aussi. Mais... il y en aura le cul de vos conneries. Mais vous avez un goût de ceinture?

Oui. Eh ben tu vois, on a tracé ton numéro, tu vois, Guignol. Tu te fais niquer comme un âne. Donne-me-le. Non, non, je lui nique. Donne-me-le. Donne-me-le. Oh là là là là là là. Et Gélico qui était à la base, hein, c'est lui qui voulait l'écouter parce qu'il travaillait, ouais, quoi, donc on l'avait appelé tout à l'heure. Il est énorme, l'appel du juge, là encore mort de rire, le go de ceinture, et putain il a porté plainte, ça déchire, il est trop top le papa juge là. Ouais. Merci beaucoup. Oui, parce que j'appelle pour l'ardif. J'appelle, oui, tout le temps. Mais tout le temps alors qu'on l'appelait deux fois quoi, ouais. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Limite. C'est pas bien pour un juge de mentir. Hein. Non, c'est très c'est très mal. Mal. Bon, avant le générique, on se fait le top tweetos. On va donc vérifier qui repart avec le sextoy. Il fallait être numéro 2 ce soir. On va commencer donc par le numéro 5. Alors, le numéro 5, Fred S. Fred S. Pourquoi tu dis Fred ? Je sais pas, comme ça, j'avais envie. D'accord. Numéro 4. Parce qu'il a une tête d'américain sur sa photo. Ah ok. Numéro 4, Magdalena. Numéro c'est nouvelle ça. Numéro, oui, 3. Enfin elle est là souvent. Mais oui, mais pas bon, souvent dans les 5. Très bien. Le prince Nadia. Ah, elle a perdu sa place. Oui, oui. Numéro 2, Notre ami Quinquin. Notre ami Quinquin. Quinquin donc il repart avec le sextoy. Eh oui. Si ce n'est pas déjà gagné, me semble-t-il. Il pourra se fourrer. Mais oui, exactement. Et numéro 1, Let's Be Freaks, qui est de retour bien entendu. Voilà, c'est fait. Mais bon, oui. Bon, eh ben très bien, ben, merci d'avoir été là ce soir. Évidemment, on va se faire le générique, bien entendu. Et pour le générique, il y avait Maëva qui voulait chanter aussi là. Salut Maëva. Salut la famille. Comment ça va? Salut. Ça va et vous? Bah tranquille, hein, sois la bienvenue Maëva à nouveau. Est-ce que tu t'es améliorée sur le générique par rapport à il y a quelques jours? Ouais. Ouais. Sûr, hein? Certain. Bon, allez hop, tu vas chanter avec Polo. Alors attention, comme d'habitude, ouais, attention, je coupe la musique. Et le générique, attention, 2h du mat, c'est parti. Ferme ta gueule, ferme de merde, l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres ton souci, c'est pas l'enculé. T'es un enculard, t'es un culpable, t'es un culpable, vraiment personne calcule comme ça. Ferme ta gueule de merde, t'es un enculé. T'en fais pas qu'un culpable, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir, reviens manger, car t'es culpable toute la journée. Viens, je vais t'enculer, moi, t'as l'air, bâtard. Petit enculé. Je suis sort de cul. C'est équilibré. Épilez vos poils de cul. Je t'emmerde, moi, enculé, va. Et toi, t'es enculé, va. Je t'emmerde, moi, enculé, va. Je t'emmerde, moi, enculé, va. Vous êtes un sacré petit galéron. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je suis juste meurs. Et toi, t'es enculé, va. Enculé, toi, l'enculé, toi, l'enculé, toi, l'enculé, toi, l'enculé. T'es un enculé. T'es un enculé. T'es un enculé. Oui, tous les deux. On est des enculés. Suce ma bite. Merde. Voilà. Bon bah très bien, c'était le moment dégueulasse, hein. C'est normal, ouais. On arrive il y a après 2h du mat, donc on fait comme on veut. Bon bah très bien, c'est vrai que c'était mieux Maëva, c'est pas mal. Non c'est vrai. C'est pas encore ça mais c'était mieux. Ouais, c'est pas encore au top mais c'est quand même mieux. Oui Maëva. T'as vu, une fois j'allais passer une heure de ma soeur pour les appels de Toff. Ouais. Et en fait un soir, c'était jeudi dernier, Toff il l'avait appelé. Et le vendredi matin j'étais en train de déjeuner tranquille. Et elle me dit, au fait Maëva tu connais pas un Toff? Mais j'ai flippé sur le coup, je croyais trop qu'elle avait grillé. Oui. Oh ça va, elle a rien grillé, t'as dit non. T'as bien joué le jeu. Oui. Bon parfait, alors c'est nickel. Bon bah merci Maëva pour le numéro 1, hein. De rien. Ça roule. Merci. Michael, je vous adore. Oh bah c'est gentil. Et merci Polo, beaucoup. Et Polo avec qui t'as chanté, il pue la merde. C'est ça. Je rigole. Parfait, ouais, gros bisous aussi, Maëva. Bisous. Allez, à bientôt, ciao à toi. Et puis on va te renvoyer chez Sandro Standard sans problème. Bon bah bonne nuit tout le monde, merci d'avoir été là ce soir, super nombreux, c'est super cool. On s'est bien marré, surtout grâce à notre juge d'application des peines. Ah bah ouais, il y a Benoît qui dit Tof, t'es grave énorme. Il y a Miguel aussi qui dit je suis explosé de rire, la femme avec des couilles. Eric DMX qui dit JPS. Ah oui, Jean-Pierre Sauzer, faudrait l'inscrire l'année prochaine. La France a un incroyable talent là, je passerai à la télé. Il passerait bien à la télé. Ah oui, certainement. Hein. Tu viens quand sur l'île, je t'en supplie, je veux un rendez-vous. Oui, ben on va venir, on va finir l'émission dans les studios, vous inquiétez pas, on passera à Lille. Et puis on va également remercier et saluer tous ceux qui ont été là, très très nombreux ce soir. Il y avait Elodie qui était là également, qui dit encore que des barres là. Merci Elodie. Il y avait une cut, il y avait Dahlia Tulip. Il y avait également où est-ce qu'elle est, il y avait une meuf encore tout à l'heure que j'ai perdue. Bah c'est pas grave, hein, tant pis. Il y avait Aurélie, voilà, c'est ça. Il y avait également qu'est-ce qu'il y a, putain, il y a Dahlia, elle a floudé là, Dahlia là. Il y avait Tax Guys qui était aussi, désolé si j'ai mal prononcé le nom bien entendu. Et alors il y avait également, attends, où est-ce qu'il est, enfin bref, il y en avait plein. Bon, et dis donc, et Dahlia, comment t'expliquer que c'est fini le top tweetos là, hein? C'est-à-dire que c'est un flou de, il y a que elle sur les derniers messages là, très bien. Bon, et puis tous ceux qui étaient sur le Facebook également, il y avait Geoffrey, il y avait Alain, il y avait Libéro, il y avait Nathanaël, il y avait Dorian, il y avait, oui, qu'il y avait d'autres, il y en avait plein, hein? Il y avait aussi Anthony, il y avait Edwige, Marilyn, il y a également Angélique, etc., etc. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Demain, n'oubliez pas qu'il y a le dernier iPad Air à gagner. Ce sera entre 23h et 2h du mat. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et nous allons également saluer notre ami. Salut! JB! Alias Philippe Bouvard. J'ai un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en complet décalage dans mon casque. Oui, c'est normal, c'est parce que t'as pas mis le bon retour. Voilà. J'ai 2 secondes de décalage. Oui, ouais, c'est bien. Eh, laisse-le. Ah ouais, la qualité est vachement bonne là. Vas-y, laisse-le avec les 2 secondes de décalage, on va voir s'il est bon, tiens. Non, mais c'est horrible. Mais non, vous avez fait de la radio toute la soirée avec ça? Bah ouais. Mais il y a les bons et les autres. Ouais, on sait faire. Mais ouais. Voilà. Ça va? Ah là. Voilà, donc là t'as les 2 secondes de décalage dans les oreilles. Ah ouais, vraiment. C'est horrible. Bon, alors attention, on va jouer. Je te mets Jason Derulo avec Marry Me, tu me fais l'intro. Bon, c'est horrible. Mais je te jure. Enchaîne. Mais pourquoi ça fait ça ce soir? Parce qu'il chipote au traitement de son là. Ouais, tu vas te marrer. Et oh, on est premier la nuit là. Faut qu'on reste premier la nuit. C'est quoi ce dos là? Je vais appeler Jérôme. La France. La France. Bon, je te mets Jason Derulo. Si et tu veux. Et voilà, Marry Me. Et tu fermes les yeux, tu regardes pas le compteur, hein, parce que c'est facile sinon avec les intros. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Bah bon. Non, mais je suis obligé. Attends. Mais non, t'es pas obligé. Professionnalisme. Attends. Voilà. Mais d'accord. Ah merde. Ouais. Attends. Voilà. Oh, mais quelle horreur. Voilà. Allez, alors, tu vas nous la faire à l'oreille l'intro maintenant. Hein. Surtout, je la connais vachement bien ce son. En plus. T'aimes pas? Si, j'adore. Mais il vient juste de sortir, je le connais pas encore. Ah ouais, je comprends. Tu veux un autre? Attends, qu'est-ce qu'on va te mettre? Fédé le Grand. Lequel? Long Way From Home. Ah mais elle est longue l'intro, elle fait 2 secondes alors. Qu'est-ce qu'on peut te mettre? Non mais Jason c'est bien, il fait 10 secondes. Clone Carousel. Non mais c'est bien Jason. Ouais, non, il veut plus, quel relou, on dirait une gonzesse. Oh là là. Je veux plus. D'ailleurs, il y aura un tragédie avant 6h du match, l'annonce. Ah ouais? Non. Ouais, il me semblait bien. Alors que pourtant il a dit de toute façon les programmateurs, je les emmerde, ouais, ici, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Ce que je veux, c'est moi JB la nuit. Exactement, je suis JB la nuit. D'ailleurs, c'est nouveau nom, hein. Il y a Bruno dans la radio, il y a Mickaël No Limit et il y a JB la nuit. Ouais. Voilà, ce sera ça dorénavant. Et il a demandé aussi à la voix des jingles, le garçon c'est Damien, il a dit tu me fais des jingles, espèce d'enculé, des JB la nuit. Ouais. Bah ouais. Je veux les jingles, j'en ai pas encore. 6h. C'est plus le même. JB la nuit. La France. Écoute. JB la nuit. Enfin, ce qu'il en reste, quoi. Bon. Enfin, ceux qui sont réveillés, quoi. Voilà, exactement. On se retrouve demain et vous allez voir notre ami JB qui va nous faire la meilleure intro du monde, puisqu'il a 2 secondes de décalage dans son. Enfin, il a pas 2 secondes, hein, parce qu'il exagère, il a un peu marseillé sur les bords. Ouais, donc, il a moins de 4 secondes. Hein. Mais oui, arrête. C'est un mec du Sud, hein. Mais c'est ça. C'est ça, les mecs du Sud, ça raconte toujours de la merde. Allez, on se quitte avec Jason Derulo et Marry Me. Allez, c'est parti pour JB la nuit, jusqu'à l'arrivée tout à l'heure de notre ami Bruno. Tout à l'heure, Bruno, bah, à la tout radio dit. Des 6h. Il a tout dit. Ah, je vais faire 10 secondes comme ça. Vas-y. Allez, vas-y. Envoie Simone. Allez, envoie l'intro là. Tu m'as fait comment là? Simone. Envoie Simone. Envoie Simone. Mais tu allez, t'es cru où là? Il est chaud là. Il s'est cru où lui? C'est ouf. Salut la France, c'est JB. À 6h, il y aura Bruno dans la radio. Mais juste avant, écoutez-moi ça, c'est le nouveau Jason Derulo. Oh, on dirait un mec qui est sur une radio en face, attends, on va la refaire. Attends, voilà. Salut la France, c'est JB. JB. À 6h, c'est Bruno dans la radio et là, voici le nouveau Jason Derulo. Et le titre, c'est quoi? Marry Me. Ah bah voilà, on va la refaire. Salut la France, c'est JB. À 6h, il y a Bruno dans la radio, vous restez avec moi. La voici. Non mais arrête. 105 is the number. Mais alors JB, j'ai l'impression d'être à l'école. 6h, c'est Bruno dans la radio et là voici le nouveau Jason Derulo, c'est déjà sur Fun Radio. 105 is the number. Il est mauvais.